d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien F. Gertin sera là pour nous parler d'actualité dans son bulletin Gertin. Et Frédéric Bernard déchiffrera Internet dans son nouveau segment Google Globe. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis, c'est mercredi 9 septembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Et Tania Bourdin. Salut Tania. Ça pue dans le pavillon comme ça. Pas beaucoup de bon sens. Mon Dieu. On sait que la chasse-galerie était ouverte hier soir. D'après moi, ça a fêté jusqu'à très tard et certaines personnes ont eu de la difficulté à se contenir. Exactement. À l'intérieur d'eux-mêmes. Oui. Mais bon, on ouvre la porte du pavillon et là, la draft. Ah ouais. D'odeur, de mélange de bière vomie et probablement de Axe Body Spray. Sans oublier le petit popcorn qui chauffait hier soir. Alors, probablement que le mélange de tout ça avec les initiations a fait quelques petites planèches hier soir. Eh boy, allumez pas une allumette ici, je sais pas ce que ça va causer. Ouais, puis tu parlais de popcorn, la chasse-galerie s'est rendue l'année passée, c'était des ailes de poulet qui faisaient cuire en milieu de semaine, puis à chaque fois, ça me donnait envie d'aller en acheter, puis j'ai en acheté, puis c'est ça. Cette année, c'est du popcorn. Ça sent donc bon partout, là. Ça sent tellement bon. Oh. À partir du début du matin, hein, je sais pas si t'as marqué, sauf mais là. sauf là, mais ça sera pas trop long. Ouais. Bref, aujourd'hui à Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées que je réalise que j'ai pas tellement présenté en début de session hier, là, mais je pense que moi je préfère que les gens écoutent et comprennent d'eux-mêmes l'idée de l'émission. Ouais, c'est une émission du matin, hein. Alors pas vraiment besoin d'explication à savoir ce qu'on fait. On est là pour vous divertir lorsque vous buvez votre café, quand vous vous préparez à aller à vos cours ou passer à la chasse-galerie, quoi. Ouais, avec les pieds qui collent au plancher. Oui, alors. C'est ça. Je crois qu'on se décrit par nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure qu'on commence la journée. Ainsi soit-il, Tania. Et voilà. Aujourd'hui, à l'émission, Sébastien F. Gertin, Bulletin Gertin est de retour. Par contre, cette fois-ci, contrairement à l'année passée, il va être là chaque semaine au lieu d'être aux deux semaines. Wouhou! On parlait d'actualité avec lui. C'est Bulletin Gertin, ça s'en vient à 8h. À 8h30, on a Frédéric Bernard qui l'année passée nous présentait une chronique sur la télé. Cette année, il nous parle d'Internet. C'est Google Globe. Probablement qu'il faut dire Google Globe et non pas Globe, comme j'ai dit dans l'intro, comme un prétentieux anglophone. Peut-être. Donc, il nous dit, depuis les années 80, Internet n'a cessé de grandir grâce au public, aux médias, au gouvernement, etc. Devenu une véritable encyclopédie de tout et de rien. Un monde sans Internet aujourd'hui serait un monde où la connaissance n'est plus libre de circuler équitablement. Que nous soyons étudiants, professeurs, travailleurs de la classe moyenne, riches ou pauvres, nous avons tous accès à ce réseau immense pour répondre aux multiples questions que l'être humain se pose chaque jour. Enfin, un être que nous pouvons bombarder de questions et qui nous fournira toujours une réponse, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans cette idée où beaucoup de gens voient dans Internet toutes les vérités du monde, qu'arrive-t-il lorsque nous lui posons des questions absurdes? Quel type de réponses peuvent bien sortir? Quels secrets pouvons-nous découvrir? Jusqu'où pouvons-nous aller pour trouver une réponse qui n'existe peut-être pas? Dans le guide des voyageurs galactiques, un ordinateur fut célèbre pour avoir répondu 42 à la grande question de la vie. Oh! Qu'est-ce que la vie? La réponse était 42. Et de tout le reste, rendons Google célèbre à chaque chronique. 42 quoi? 42 quoi? C'est la réponse à la vie. Et c'est voilà. C'est 42. Donc, Google Globe avec Frédéric Bernard à partir de 8h30. Autour de tout ça, nos chroniques maison, comme toujours. Tu vas avoir ton petit spot, là. On trouve encore un titre de chronique. Ben oui, on essaie de trouver un type de chronique, mais aujourd'hui, on va parler de gens qui m'inspirent beaucoup. Alors, un petit peu plus tard, on va voir. Mais si jamais vous avez des suggestions de noms de chroniques, soyez original. faites-moi parvenir ça par Facebook. Tania Baudin, vous pouvez aller soit liker la page ou encore sur la page d'Assemblage requis. Tout à fait. Et en début de chronique, tantôt, quand tu vas commencer ton segment, on lancera des idées. Moi, j'en ai une couple, mais je ne veux pas gaspiller ça au début de l'émission. À 7h39, on et fait voilà. Ça quand on sera réveillé. Eh oui. La chronique, encore une fois, de gadgets inutiles. Je te promets de ne pas faire ça tous les jours. Là. C'est juste parce que je n'ai trop accumulé que j'en fais deux jours de suite. Ah, mais je trouve ça donc passionnant, en fait. Je trouve plein d'idées que je pourrais m'acheter sur Internet. Puis je pense que finalement, c'est peut-être bon, peut-être pas bon pour mon compte en banque que tu fasses. On fera ça une fois par semaine quand on sera acclimaté à notre nouvelle session. Oui, voilà. Maintenant qu'on a commencé, qu'on a jasé, qu'on a fait ce qu'on avait à faire en cette présentation d'émission, on a écouté une nouvelle entrée du palmarès anglophone. On vient de le recevoir, le palmarès Last Two Show, le plus récent du, ben, en fait, de la période du 25 août au 13 septembre. Il continue pour la semaine qui est en cours. Donc, c'est Teen Days sur leur album Morning World. Bon matin, le monde, hein? Eh oui, bon matin, Trois-Rivières. Voici Pink, mais pas la chanteuse. Ça joue pas ici. Pas ça, c'est fou, 89 FM. Si vous voulez ça, ben allez ailleurs, puis on vous respecte un petit peu moins. Et voilà. Disney, c'est correct. Pink, moyen. Que mon alarme ne marche plus depuis en fait cette semaine. Ben oui. Elle a marché tout l'été, mon alarme de réveil cyclique dans les cycles de sommeil pour te réveiller frais et dispo. Ouais. Puis tout l'été, je me réveillais super en forme, puis là, en fait semaine, ça a arrêté de fonctionner. Fait que je me suis trouvé une nouvelle application. C'est chiant, ça. Ouais, c'est quand même pas très le fun hein, quand ça arrive. Pas le fun, ça. Bref, bon. Que voulez-vous. C'était une pièce de Teen Days qui s'appelle Pink sur l'album Morning World en 18e place du palmarès anglophone. On aura d'autres musiques du palmarès tantôt parce qu'on a de nouvelles entrées. On en a à la tonne. On en a 7 dans cette période du 25 au 13 septembre. Et les palmarès seront de retour en direct à la radio. Les mardis, cette session-ci, on change à chaque saison parce que c'est le fun de varier. Ben oui. Mardi à partir de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, comme on a fait hier, on va continuer là-dessus dans le même rythme de choses parce qu'on aime ça dépenser de l'argent. Ben oui, on aime ça, surtout pour des choses totalement inutiles. Ah, c'est ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mais ça ne devrait pas, on l'a, la collecte dans laquelle on dépense l'argent qui nous appartient pas et qui appartient à notre caisse ou banque sur notre carte de crédit. Ben oui. C'est pas de la vraie argent, c'est fictif. Mais c'est fictif. Oui. Et on commence avec quelque chose qui n'est pas vraiment littéralement un gadget. Tu sais, la définition de gadget, pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui a une puce dedans ou quelque chose d'électronique. C'est quelque chose qui sert à quelque chose, un produit que tu achètes. Ça devrait être plus un produit. Comme dans ce cas-ci, c'est un produit alimentaire. C'est le Final Touch Watermelon Keg Tapping Kit. Wow! Tapping, pas comme dans I tap that. Là. Ouais. Non, ça n'a pas l'air de ça, en tout cas. Rien de sexuel, sauf que, c'est pour ceux que ça intéresse. Bref, c'est ça, c'est un keg, mais de melon d'eau. Mais oui! Simple, tu branches l'embout, dans le fond, dans le melon d'eau. Tu haches, tu scies le dessus du melon d'eau. Et un petit peu en dessous du melon d'eau aussi, nous dit-on. Okay? Tu le vides. Okay? Le melon d'eau, tu le vides au complet. Tu installes l'embout. Là, je l'avais dit au début, mais c'était à la fin que tu fais ça. Et tu peux mettre à l'intérieur de ton melon du jus de melon d'eau. Tu peux mettre n'importe quel alcool mélangé ensemble et ça te fait un keg en forme de melon d'eau. Finalement, c'est pas vraiment... Ça déchiquette pas la chair du melon d'eau. Là. Je sais pas si ça se ferait, ça, parce qu'en plus, t'aurais les noyaux dedans. Hein. Mais parce que sur la photo, on dirait vraiment que... Mais probablement qu'il a utilisé le melon d'eau à l'intérieur pour faire son jus avec un extracteur à jus, peut-être. Je sais pas. Il a peut-être ajouté un petit peu de vodka. C'est ça. C'est peut-être beaucoup d'étapes, mais en même temps, avoue que lors d'une fête quelconque, tu fais parler de toi en bien. Mais c'est vraiment merveilleux, en fait. C'est joli. Tu trouves le plus beau melon d'eau possible? De l'épicerie, oui, de tout l'épicerie, à fait. De l'épicerie, c'est ça, ou d'un champ de melon d'eau. Ou d'un champ de melon d'eau. Ça pousse où, un melon d'eau? Hey, on a-tu ça au Québec, des champs de melon d'eau? C'est pas à Melongeville, je pense. Elle était pas très bonne, celle-là. Elle était pas très bonne. 27$ sur Amazon. Voilà. On salue les gens de Melongeville. Ensuite, c'est un système, tiens, pour ceux qui aiment la variété de leur nourriture, par exemple, qui ont les munchies, tu comprends? Quand t'as les munchies, peut-être que t'as faim de melon d'eau, c'est sûrement parce que t'as pris de la drogue. Probablement. Il te faut donc le Monthly Weed Delivery Service. Enlevez tout le travail de votre prochain fixe de weed en le faisant livrer directement chez vous, par mois, à chaque mois. Donc, vous allez pouvoir personnaliser votre petit colis cadeau avec tout ce que vous voulez dedans pour $150 par mois. Attends, mais c'est légal, ça? Ben, aux États-Unis, il y a des lois que tu as le droit d'acheter du pot sur Internet, peut-être pas au Canada. Mais tu peux-tu le faire venir des États-Unis au Canada? Tu peux probablement pas. Okay. Mais tu peux probablement te le faire livrer dans une place aux États-Unis et t'y rendre en voiture le chercher. Genre. Puis là, t'essaies de repasser les douanes. Ça enlève la paresse un peu de la chose. Ça s'appelle podbox.com. Podbox.com. C'est un Premium Marijuana Subscription Club. Et voilà. C'est premium. Quand tu dis que c'est premium, c'est de la qualité. Ouais, ça doit. Tu trouves la meilleure qualité de potes. Puis ils t'en font un beau petit paquet cadeau. C'est ça. Éthiquement, ils font tout ça. Ils font pousser ça éthiquement. Et voilà. Voilà. Ensuite de ça, allons-y avec une imprimante à Lego. Ben ouais. Le Bricasso Lego Printer Mosaic Edition. C'est Jason Alleman de JK Brickworks qui voulait créer une imprimante à Lego. Il a fait l'imprimante, il a fait tout ça, ça fonctionne, ça existe. Donc le Bricasso utilise les Lego Mindstorm EV3 pour scanner une image et ensuite ça recrée l'image avec une mosaïque de Lego en utilisant des Lego un par un. C'est les blocs de un picot de côté, je sais pas comment dire ça. Un petit picot de côté. Donc ça reste vraiment vraiment cool et vous pouvez le voir en pleine action sur assemblagerequis.com dans les liens de l'émission d'aujourd'hui du 9 septembre 2015. Vous pouvez voir aussi sa construction et comment ça fonctionne. Donc c'est pas quelque chose que je vois qu'on peut acheter, mais ça existe quand même. Mais déjà, juste dire, la machine semble être en Lego aussi. Je sais pas si c'est juste un look par contre. Hein. Ça a l'air à être fait de toutes pièces en Lego quand même. Ça se peut coller ensemble probablement. Peut-être. C'est donc le Bricasso, jkbrickworks.com. Voilà. Ensuite, c'est le Kingi Personal Flotation Device. Quand tu vas te baigner, que tu as peur de te noyer, tu as des activités aquatiques. Un accessoire difficile à porter en tout temps, c'est des petits flotteurs. Oh, c'était-tu le fun de porter ça quand tu étais jeune? C'était le fun, mais rendu adulte, un petit peu moins. Ben, t'aurais l'air moins intelligent, mettons, à la plage. À peine. Donc, le Kingi ou Kinji, K-I-N-G-I-I, c'est compact, facile à utiliser. C'est un truc que tu portes sur ton poignet. Okay. Évidemment, le coussin est à l'intérieur du bracelet. Il est pas gonflé. Pas tout de suite. C'est ça. Et en cas d'urgence, un peu comme un petit marteau sur une vitre, tu tires sur le levier du bracelet et ça va t'aider. Ça va gonfler ton Kinji et tu vas pouvoir flotter. Puis sur le site internet, il y a une vidéo, il y a un essai, là, ça monte en tabarnette. Et le Kinji utilise une cartouche de CO2 pour gonfler le sac. Et une fois rempli, le sac peut soutenir 275 livres. Je pense qu'on est galec. Et rester au-dessus de l'eau, donc flottant pendant 48 heures au maximum. La cartouche ne peut être utilisée qu'une seule fois. Chaque Kinji vient avec deux cartouches, donc deux chances de se sauver la vie. Et vous allez pouvoir acheter ça sur le site de Kinji sur kingii.us. Voilà, et on peut replier... Donc, c'est ça, on peut replier le sac dans le compartiment pour le réutiliser une fois. C'est bien ça? La cartouche peut être utilisée une fois, c'est la cartouche de CO2. Le sac lui-même peut être mis dans le bracelet pour le réutiliser le nombre de fois que tu veux. Hey, tu peux sauver ta vie juste pour 69 $. Hein? Juste 69 $? Juste 69 $. Je crois rêver. Donc, ça a aussi une boussole intégrée ainsi qu'un petit sifflet de sûreté si vous êtes dans la rue et que vous avez un problème. Comme dans Titanic. Si. Comme dans Titanic. Ah, j'ai pas vu. Ça sifflait comme ça, là, parce qu'elle avait les lèvres gelées. Wow! Et voilà. Il y a des instructions sur le site de dévisser le petit chapeau de plastique, etc. Là, je vais vous économiser. C'est quoi le mot déjà? Je vous épargne ça. Vous épargnez? Eh oui, j'en suis longtemps. Alors voilà. Ensuite, adopter un petit dinosaure vivant et qui brille dans le noir. Tania. Ah, ça me tente. Ça t'atteint pas mal, tout ça, hein? Ben, moi, les dinosaures, j'ai jamais autant trippé que ça. À cause du parc jurassique cette année, et notre ami Chris... Il est-tu pas beau, lui, rien que... Pratt! Et voilà. Chris Pratt. Donc, c'est ça, c'est un animal domestique bioluminescent et vivant, entre guillemets. C'est le Dino Pet, en partie animal de compagnie, en partie projet de science. Le Dino Pet est un animal en plastique qui ressemble à un Apatosaurus. OK. Pour ceux qui connaissent les dinosaures. Comme tout le monde. Ça a l'air de petits pieds, en fait. Ah! C'est peut-être ça. On n'a pas les mêmes référents. Petit pied, Titanic, j'ai pas... Ben voyons, t'as jamais écouté Petit pied? Non, j'avais fait un petit mash-up genre... Petit pied, Titanic. Non, Petit Titanic. Ah, laisse faire. Donc, c'est rempli de plancton bioluminescent qui s'appelle Dinoflagellates. Pendant la journée, donc, vous avez une belle petite sculpture qui permet la photosynthèse lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil indirect. Mm-hmm. Et le soir, la nuit, tu brasses ton Dino Pet et le plancton s'électrolumine. Hein? Le kit vient avec l'aquarium et un livret d'instructions et un petit coupon là, pour te faire envoyer de la nourriture de dinosaures. Hein? Attends, faut-tu le nourrir sans plus? C'est un animal vivant, là. Ah, oh, il est vivant? Ben, il est vivant, entre guillemets. OK. Ouais. Et des dinos flatulates qui vont vous envoyer par la poste. Mais ça te fait une belle veilleuse, par contre. C'est très, très beau. Très joli. Bref. Ça me fait penser au nouveau Tamagotchi, tu sais. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est tout mignon. Aller voir ça, ça fait très bien sur une table de nuit. Oui. Ensuite, je crois que celui-là, quand tu l'as croisé hier, je sais pas comment tu t'es rendu jusque-là, en tout cas, c'était mien. Je sais pas. 45 hier, mais bon. C'est une valise qui devient une étagère. C'est parfait. C'est mal. Le Shelf Pack. Une valise à 350 $ avec des tablettes intégrées à l'intérieur. Donc, tu tires dessus et tu n'as jamais vraiment à défaire tes bagages parce que tu es placé sur les tablettes. Tu mets tes vêtements sur les différentes tablettes à la maison, tu zippes le sac et quand tu arrives, tu retires le tout et organisation instantanée. Tu peux passer aucun temps à défaire tes sacs et tout ton temps à juste t'amuser. Et là, je regarde les commentaires. Certaines personnes ont l'air plutôt fâchées. Du fait que ça a l'air très, très, très ingénieux comme situation, sauf que le prix a l'air très exorbitant. Ah, mais là, c'est parce que c'est des innovations. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, oui, mais à quelque part d'autre, en Chine, sur eBay, sur Internet, tu peux l'avoir pour 100 $. Ouais, puis il y a tout instable, puis tous tes enfants tombent à terre. Il y a un train qui passe, puis soudainement, tes vêtements sont tombés à terre. Hey, gars, faut investir des fois dans la vie, dans la qualité. T'sais. Mais c'est toujours mieux que d'avoir un tas de linge dans une valise sans pouvoir le lever comme ça, puis tout est bien plié sur des tablettes. Dans moi, le j'adore sac poubelle. Je devrais sérieusement penser à m'en acheter une pour toutes les fois que je pars. Je t'encourage à tout dépenser pour que la chronique serve à quelque chose et non pas juste au divertissement de savoir que les gens existent. J'aimerais essayer d'en trouver une moins chère et me la procurer. Tu nous en reparleras. Le Pluggy Lock maintenant qui change votre prise d'écouteur dans votre téléphone en une prise pour installer une strap. Une strap. Les téléphones cellulaires, ont tous une prise à écouteur et on s'en sert pas nécessairement tout le temps. Et des fois, la plupart des téléphones, en fait, que j'ai vu dans ma vie, ont pas vraiment de prise pour mettre une strap dessus. Non, c'est vrai. Petite bande pour le poignet. Donc, c'est le Pluggy Lock, une petite boucle d'aluminium qui se visse. En fait, s'insère probablement plus que vissé parce qu'il n'y a pas de... De filet. Ouais, voilà. C'est le mot que je cherchais dans la prise d'écouteur. Donc, ça se met dans la prise 3,5 mm, évidemment. Et comme on l'a vu ici, la personne, la fille, la femme, la demoiselle, celle qui sert ton café au Starbucks, a un collier autour de son cou avec la petite pince en sac à dos. Là. Oui. Puis elle a branché ça dans son téléphone. Évidemment, comme j'ai dit, c'est pas vissé, fait que ça n'est pas dessus. Mais accroche-toi pas, surtout, tu sais. Tu sais, mettons, son boss doit pas être content qu'elle ait son téléphone cellulaire autour du cou pendant qu'elle sert ses cafés. Ouais. Ben, tu sais, en lisant l'article, ça dit que ça visse, puis on dirait que j'ai de la misère à le croire, mais tu sais, Comment le croire à moins d'avoir acheté pour l'essayer? Je vais leur faire confiance là-dessus. Mais quand tu mets des écouteurs, quand même, ça reste quand même très bien. Oui. Peut-être que c'est la même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, en tant que ce soit bien vissé, entre guillemets, ça devrait prendre pas mal de force pour débrancher le plug e-lock de votre appareil. Et on peut aussi le mettre dans un petit contenant magnétique si on a besoin de sa prise d'écouteur. Tu peux le mettre dans un petit truc qui va après, j'imagine, ton porte-clés ou dans ta poche. Il n'y a pas d'image pour le montrer. Le plug e-lock, donc, qui habituellement coûte 25$ américains. Donc, c'est sur plugelock.com. Simple. On a la réponse à savoir si c'est possible de cultiver des melons d'eau au Québec. Caroline, avec à peine de délai. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est marqué que tous les types de melons d'eau sont originaires des pays tropicaux. Au Québec, la culture de melons est possible, mais délicate. Alors, tu vois, ça répond à notre question. Je suis pas sûre que je me ferais un bac de melons sur mon jardin. Ça valait la peine de l'attendre, cette réponse-là. Ça me renseigne. Ouais, moi aussi. Je suis tout à fait contente. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Tu remercies pas de nom, la personne? Denis. Denis, j'ai dit de nom, pas Denis. Mais c'est Denis. Ah, okay. Je pense que c'est la marque de nos lecteurs CD, c'est aussi de nom. Ensuite, on a parlé de Lego tantôt. Oui. Let's go avec une autre. C'est la compagnie Crazy Bricks, compatible avec Lego, OK? Qui a trouvé une nouvelle façon de rendre vos figurines Lego, ben, t'sais, les bonhommes, un petit peu plus versatiles en ajoutant des poses. Ça s'appelle Crazy Arms. Donc, ça ajoute des bras différemment pliés à vos figurines Lego. Là, je regarde les Lego qu'il y a sur le site Internet présentement. Je suis quand même assez troublée. C'est perturbant. L'utilité est là, on le voit, mais l'idée d'avoir fait ça, ça me dépasse. Tant mieux, je trouve ça cool, vraiment, là, que ça existe. C'est fun! Ça a été fondé sur Kickstarter, donc il y a eu de la demande pour ça. Pour utiliser Crazy Arms, vous devez enlever le torse de la mini-figurine et ensuite insérer les Crazy Arms dans les bras, dans les trous sur ses hanches. Et on peut ensuite attacher les bras qui sont droits, qui sont pliés, tout ça au torse. Il y a un bracket. Comment t'appelles ça en français, un bracket, pour chaque bras. Et vous pouvez choisir un bras plié d'un bord et un bras droit de l'autre. Ben oui, comme celui avec le petit parapluie sur le site Internet présentement. Superbe. Vous devez leur donner 20$ américains minimum sur Kickstarter pour avoir des mini des Crazy Arms, pardon. Et ça devrait être disponible en 5 couleurs. Et disponible, c'est ça, s'ils se rendent à leur but. Mais comme on a dit tout à l'heure, ça s'était rendu au but. 17 917$ ont été donnés pour ces Crazy Arms. C'est sérieux? C'est sérieux. Wow. Moi aussi, j'ai de la misère à dire à le croire, mais non. Il y a des gens, des fanatiques de Lego, hein, ça devient de moins en moins fréquent, les Lego comme ça. Vraiment. Alors voilà, on a notre réponse. Tantôt, on a parlé d'un melon d'eau qui devenait un keg. Oui. On a branché dans un melon d'eau vidé et avec de l'alcool à l'intérieur, un petit bec pour verser de l'alcool. Ici, c'est une distributrice à lait. Un petit peu absurde, je pense. C'est pour être drôle, ça ressemble à des pieds de vache. Hein? Et oui. tes verres, en plus, ressemblent à des seaux. Ouais! Hein? C'est magnifique. Donc, vraiment, tu tires sur le pied comme tu penses que tu devrais faire. C'est le vache à lait. Ça s'appelle en français vache à lait. OK. Créé par Design Studio 55 pour Milk Factory's What's Next for Milk. C'est une compétition. C'est beau! J'aime le commandeur. I kinda love it. I kind of hate it. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que j'aime ça, mais je pense que je déteste ça. Moi, je pense que j'aime juste ça. Je trouve ça vraiment cute. Et en plus, c'est que le dessus ressemble un peu à un aluminium. Pas un aluminium, un aquarium, pardon. C'est une bulle vitrée. Oui. Le lait est dedans. En dessous, t'as les pies. T'en as quoi? 3, 4? Mais tu pourrais mettre du Baileys ou de la Marula à la place du lait. Bravo. J'avoue. T'as un grand seau en dessous, j'imagine que c'est pour vraiment traire tout le lait que t'as mis en haut. Ou probablement pour mettre ton lait dedans, tes pintes de lait et verser en haut de l'aquarium. Oui, je... Non, c'est plus ça. Ouais. Je trouve que... Ou pour quelqu'un qui a une très grande soif. De Baileys. Oui, oui, oui. Un café course, qu'on appelle. Parce que moi, je trouve que l'idée du Baileys et de la marmoula dans ça à la place du lait, c'est une merveilleuse idée. Oh, yeah! Et moi, je pense que ça termine de façon excellente. Vachement intéressante. Oh, tout la chronique. Si tu fais ça à chaque blague, tu vas te tanner. Ouais, c'est sûr, hein, parce que des blagues, ils sont tout le temps comme ça. Ah, ouais. Ça fait comme 15 fois depuis hier que je me fais ça. Puis, en plus. À la fin de la semaine, tu seras plus capable, ta bouche sera plus capable d'avoir à votre jersey. Et voilà. Et là, votre jersey d'avoir fait ça. Bon. Mais j'aime bien cette invention. C'est-tu bien cher, ça? Ah, ça dit jamais. Les prix sont jamais dits. Tu sais, quand ça dit pas, c'est que c'est trop cher. C'est que c'est trop cher. Surtout que ça a été créé pour une compétition. C'est ça. T'imagines si ça a gagné le prix en plus? Exact. Ah non, faut le répéter. T'sais, non seulement c'est pas juste des gadgets, ça peut être des affaires qui ont aucune puce dedans. En plus, c'est pas nécessairement achetable, peut-être qu'il faut que vous le fassiez vous-même. Puis peut-être que c'est pas achetable parce que c'est un concept de démonstration. Mais dans quelle chronique est-ce que je mettrais ça sinon? Il y a un maringouin devant toi. Il y a un maringouin devant moi. Elle attrape le maringouin comme si genre c'était une balle puis elle c'était un chien. Ben, je suis désolée, je l'ai eu pareil. Oh, le chat, c'est... Lui? Oui, je l'ai eu. Donc voilà, les liens sont sur assemblagerequis.com, assemblagerequis.com. On prend une pause et au retour, Sébastien Evgertin et sa chronique Bulletin Gertin. Toujours à Assemblage Requis à 8h01 dans ce mercredi matin 9 septembre 2015. C'est Tania Baudin. Oui, bon matin. Oui, moi c'est Mathieu Plante. On a dit tantôt qu'on allait accueillir un invité spécial. C'est une nouvelle session. C'est un chroniqueur qui revient mais qui change d'horaire. Donc on va le présenter juste de nom puis il va nous raconter l'histoire de sa chronique. Voici Sébastien F. Guerpin. Sébastien Guertin. Bon matin. Ça va? Ben oui, vous autres. Bon ben matin, oui. Guertin, c'est le nouveau titre de ta chronique. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ça coule bien, je trouve. Tu sais, lui, son idée de chronique, son idée de nom de chronique est déjà fait. C'est beau. OK. Non, mais tu sais, moi, va, tu sais, ben, il faut que ça arrive ou qu'il y ait un jeu de mots poche. Ben oui. Mais ta chronique, cette année, est-ce qu'elle change? Est-ce que c'est la même chose que l'année passée? On parlait de ton éditorial, disons le campus, l'année passée. Qu'est-ce que tu... Je vais te faire une réponse que je t'ai faite souvent l'année dernière. Oui ou on? Ouais. Ça dépend des fois, puis ça dépend comment c'est ça. Sent. OK. Ben, ouais, c'est ça. Ça dépend comment ça. Ça dépend des quelles semaines aussi. Comme là, ben cette semaine, il y a un zone campus très jaune d'ailleurs. Hein, Myriam Lortie, il est jaune. Oui, il est très. Moi, je trouve qu'il est orange. En fait, j'ai choisi la couleur, fait que je trouve que c'est orange. Mais ouais. Il est distribué un petit peu partout dans l'UQTR et Trois-Rivières aujourd'hui. C'est pas très unanime parce qu'apparemment qu'on a changé le papier, fait qu'on voit du texte de la page suivante par-dessus, fait qu'on voit comme rien de ce qui est écrit. Ça fait que peut-être falloir revoir. Mais c'est ça. Quand même un très bon journal. Vous pouvez tous le lire. C'est ça, lisez-le s'il vous plaît. Mais vous nous direz si vous trouvez que c'est orange ou jaune. C'est orange, je pense. Bon. On va pas régler ça aujourd'hui, je pense, de toute façon. C'est une question de vie. C'est ça. Parle-nous, c'est quoi ta chronique? Donc, ma chronique, c'est que moi, dans le journal, en fait, j'écris l'éditorial. C'est-à-dire que, contrairement aux autres chroniques, l'éditorial est censé être un texte plus argumentatif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une opinion je défends une opinion dans le fond dans ce texte-là. Contrairement. Qui t'appartient, Kat? C'est ça. Est-ce qu'elle appartient au journal? Est-ce que c'est déterminé qu'elle appartient au journal aussi? On est un peu dans une espèce de zone grise là-dessus. Techniquement, mettons les journaux comme La Presse qui ont vraiment une équipe éditoriale. Là, c'est l'équipe éditoriale qui développe une opinion, puis ainsi de suite. Une ligne directrice. Une ligne directrice, c'est ça. Puis il y a une question historique aussi derrière ça, comme regardez l'exemple de La Presse. La Presse ont tendance à être beaucoup pro-libérale, pro-parti libéral. Je ne veux pas les accuser de rien, mais dans le sens que souvent, ils ont à peu près les mêmes idées. Donc, généralement, on sait qu'il y a comme certaines positions qu'on s'attend à voir défendre par La Presse. Le Zone Campus, on n'a pas ce genre d'histoire-là derrière nous. Donc, je vois un peu... en fait, ça finit que c'est pas mal moi qui décide l'opinion. Que... Et en gros, Myriam dit oui. C'est ça. Généralement. On n'a jamais eu de chicane à date là-dessus. Il n'y a pas... Fait que... Ton opinion t'appartient un peu comme tu pourrais être en société à la place d'être en actualité, si tu voulais. Jusqu'à un certain point, si oui. Si on veut, ouais. Bon. Bref. Donc, la raison pourquoi tu dis à l'émission ici, je change de format, c'est que l'an dernier, je n'ai seulement les semaines qu'il y avait un zone campus qui sortait. Et on parlait du sujet. C'est ça, on parlait vraiment du sujet. Tandis que cette année, ce qui va arriver, c'est que je vais venir aux deux semaines avec votre permission, bien sûr. Tellement. Puis, c'est ça. Donc, vu qu'il n'y a pas de journal à toutes les semaines, mais aux deux semaines, ce qui va arriver, c'est qu'une semaine sur deux, je vais parler d'autres choses que ce qui est dans le journal. Tout simplement. On aime ça. On aime ça, on va pouvoir faire des débats. On ne peut qu'approuver cette idée-là. Plus de Sébastien Evgertin, tout le monde gagne. Assez fou, voilà. Ouais, j'espère. Donc, le sujet de cette fois-ci, étant donné que le Zone Campus vient de sortir, c'est quoi son rapport avec la rectrice et tout ça, je pense. Oui, je parle principalement de la rectrice, mais je parle généralement de comment est-ce que les affaires sont gérées à l'université. Fait que je vais m'y mettre à l'instant. Oui. On t'écoute. Donc, la rectrice s'est fait démissionner cet été. C'est fait démissionner. C'est fait démissionner. J'aime bien comment on l'a dit ici. C'est parfait. Elle s'est fait démissionner. Elle s'est fait donner un parachute doré d'argent énorme. Voilà. En fait, elle s'est fait suggérer très, très fortement de démissionner avant de se faire mettre dehors. Oui. Ce qui aurait un peu complètement ruiné sa carrière. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je disais, c'est fait démissionner. C'est que c'était une démission, techniquement, mais c'était pas très volontaire. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent pas tellement l'histoire, elle est dans le zone campus, premièrement. Je vais faire un résumé rapide. Depuis que la rectrice Nadia Ghazali a été portée au poste de recteur en 2012, si ma mémoire est bonne, il y a eu différents conflits, pour utiliser un euphémisme, à travers la haute direction de l'université puis certains hauts fonctionnaires et ainsi de suite. Il y a eu énormément de démissions. Il y a eu les honoraires d'avocats sont énormes. Actuellement, je pense, ce que j'ai entendu dire, il n'y a aucun bureau d'avocat en Mauricie qui n'a pas une cause pour ou contre l'UQTR en quelque part. Wow. Juste ça par les gens de l'OGA qui essaient de se trouver un notaire ou un avocat pour un contrat quelconque qui ont été obligés d'aller à Joliette. OK, quand même. Parce que sinon, toutes les autres firmes d'avocats de la région étaient en conflit d'intérêts. Fait que c'est ça. Ça s'est entre-déchiré dans la haute direction. C'était pas le fun. Pas mal toute la blâme s'est retrouvée sur la rectrice. Était-ce mérité? J'en ai assez parlé l'an dernier. Fait que je vous suggère fortement d'aller sur le site du Zone Campus, aller lire les anciens articles. On en a parlé abondamment et j'en ai un petit peu mon voyage. Vous pouvez cliquer sur le nom de Sébastien Vigartin pour avoir toutes ses chroniques de films. Ouais, à la limite, je me demande même si vous me cherchez pas sur Google, je pense que vous allez toutes les avoir. Donc, ce que je veux plus discuter par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est, comme tel, c'est le ministre de l'Éducation, M. Blais, qui a fait ce démissionnage-là. C'était organisé par lui. C'est ça. Dans le fond, après certains temps, il y avait, entre autres, dont son nom m'échappe, la critique en éducation de la CAQ, notamment, qui poussait énormément dans le dos de M. Blais pour faire quelque chose là-dedans, pour, en fait... S'en débarrasser. Moi, où ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'était pas nécessairement la place du ministre Blais de se mêler de ça. Il y a peut-être une question, il y aurait peut-être une fonction peut-être d'arbitrage qui aurait dû être faite. OK. C'est un peu biaisé peut-être comme de faire ça par lui. Ça aurait dû être décidé par quelqu'un de neutre. C'est ça que tu veux dire? Bien, ce que je pense, c'est que normalement, quand il y a un conflit, tu te réfères à l'instance supérieure pour servir d'arbitrage dans le conflit. Je veux dire, quand tu es entre adultes, là, on s'entend. Là, on considère que des adultes, surtout des universitaires avec des doctorats prestigieux et des post-doctorats et des postes de direction prestigieux, et ainsi de suite, devraient être des gens moindrement matures, en théorie. Donc, on se dit que s'il y a un conflit, probablement que tout ce que ça demande, c'est un petit peu d'arbitrage, quelqu'un qui donne les droits de parole, mettons, pour que ça se fasse dans le camp. Puis probablement, modérer la chose. C'est ça, un modérateur. Je pense que c'est le bon mot. Donc là, la place qui est arrivée, c'est on s'en mêle pas. Ah, la rectrice, on la kick. Ben, on s'entend, on la démissionne. Donc... On lui dit de se botter elle-même les fesses. Ouais, c'est ça. Par c'est en arrière. Ça. Ça serait mieux si tu partais. En fait, c'est à peu près ce qui a été dit. Ça a été dit, on vous suggère fortement de partir. Ah. Voici un petit montant. On va continuer de te payer au même salaire. Fais-toi-en pas avec ça, il n'y en a pas de problème. Mais va-t'en. Ça, il y a tout, d'ailleurs, ce que tu viens de dire. Là, on te paye au même salaire. Résumé, toute une autre discussion à avoir là-dessus. Hein. Qu'est-ce qui s'est vraiment fait là-dessus? Elle s'est faite... Je sais qu'elle a une charge de prof qui a été comme... Un petit cadeau, là. Ouais. Mais je sais pas exactement c'est quoi les tenants et aboutissants de ça. Ça mériterait une enquête, maintenant. C'est pour ça qu'on dit une autre. Une autre enquête. Donc, le problème avec l'intervention du ministre de l'Éducation, je vois deux gros problèmes avec ça. En fait, je considère que c'est pas nécessairement mêlé de ses affaires, ou en tout cas que ça n'est pas bien mêlé. D'un premier côté, c'est que les universités, dans le principe fondateur d'une université, c'est supposé d'être une genre de micro-société en soi. Pour un paquet de raisons que j'élaborerai pas ici, j'élaborerai pas plus dans l'article, mais que je vais probablement vous écœurer à longueur d'année avec ça. les semaines aux deux semaines entre tes éditoriaux pour en parler. c'est ça, l'université est supposée être une micro-société qui s'auto-gère. C'est une des raisons pour lesquelles, quand nous appelons 911 sur le campus, oui. C'est pas la police de Trois-Rivières qui vient se mêler de... À part vraiment des cas extrêmes, là, mais j'ai jamais vu ça arriver, c'est les gardas qui vont s'en occuper parce que c'est les gardiens de l'université. Ouais. Là, on sous-traite les gardiens de l'université à gardas, mais en tout cas, en théorie, c'est ça. Est-ce que c'est nouveau, ça? Est-ce que c'est récent, mettons? Il semble que c'était pas le même. Dans notre... De notre point de vue de jeune personne, non. Non. Mais dans l'histoire de l'université, oui, en fait. Je pense que ça date de ouais, plus ça qu'une fait dizaine d'années. Quand même. Okay. Ah, j'avais jamais remarqué le logo gardé jusqu'à genre 7 années. 7 autres années. Okay. Tu sais, les gentilles petites personnes qui viennent nous ouvrir nos bureaux quand le lecteur de cartes ne fonctionne pas, c'est eux. On les voit à... tous les jours. Et voilà. Ah, les lecteurs de cartes. L'ancien exécutant de l'AGE m'a déjà dit, suite à une plainte là-dessus, justement, il m'a dit, ouais, mais tu trouves, on trouve qu'il a coûté cher, mais il a pas coûté si cher que ça, le nouveau pavillon. Ah. Ouais. Tu payes pas cher, t'as pas cher. C'est ça, la qualité qui vient avec. On en parle tout le temps. Bref, on disait. Donc, on disait... Indépendance universitaire, oui, c'est ça. Là, c'est le problème avec ça, c'est qu'il veut pas le ministre de l'Éducation. Oui, c'est le gouvernement, ça représente tous les Québécois, puis ainsi de suite, mais il représente quand même une certaine vision de l'éducation. Puis l'université, c'est supposé être un forum où toutes les visions, toutes les idéologies se confrontent. Vision mondiale. Vision mondiale. Ouais, c'est ça. Vision mondiale. L'ONU. L'ONU. L'UNICEF. Donnez généreusement. Mais c'est ça. Donc, en théorie, s'il y a une idéologie en particulier qui a un trop grand contrôle sur le forum, ben, ça devient plus un vrai forum ouvert et dans lequel toutes les idéologies sont égales et peuvent se discuter et ainsi de suite. C'est un problème de très, très principe, là, je dirais, mais bon, comme certains le savent, j'étudie en philosophie, fait que moi, les histoires de principe, c'est bien important. L'autre affaire, puis probablement ce qui où le bas blesse le plus, c'est que plusieurs choses portent à croire que la décision du ministre n'a pas nécessairement été motivée par des questions très, très rationnelles, par des impératifs très, très rationnels, mais plutôt par des impératifs reliés à l'image que ça donnait du réseau universitaire. Notamment la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait que là, le ministre Blais cesse de ne pas s'en mêler et, du jour au lendemain, la met dehors. C'est que la démissionne, excusez-moi. Ouais. Fais attention. Ouais, je vais faire attention. Le terme pour, ici les poursuites très... sont pas loin. Il y en a... Diffamation. Diffamation, ouais. Le ministre de l'Éducation, il a l'air de pas trop niaiser avec ces affaires-là. Surtout pas à l'UQTR. Tabarouette. Diffamation, F. Gertin. Ouais, diffamé F. Gertin, ouais. C'est ça, c'est que la fameuse goutte d'eau qui a fait déborder son vase à lui, c'est qu'il y a eu une enquête de l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Oh, c'est pas un rapper, c'est UPAC. Non, c'est pas tout mal avec Tupac. Ouais, Tupac. C'est Tupac. C'est Tupac, c'est Tupac. C'est le gars qui est mort, là. Celui-là, là. Ah. Non, c'est ça. C'est comme on se rappelle peut-être Duchesneau, entre autres, là, qui s'est présenté pour la CAQ, là, qui était un peu le premier. Non, c'est pas vrai, c'est la commission de Duchesneau, mais ça a donné l'UPAC, en fait. Qui vise, dans le fond, l'UPAC, c'est un organisme relié, si je me rappelle bien, à la SQ, mais je suis pas certain, il faudrait que je fasse mes devoirs là-dessus, qui se promène dans différents... En fait, n'importe quel secteur d'activité qui est relié au gouvernement, donc les universités en font partie, tous les ministères, toutes ces affaires-là, pour essayer de débusquer ce qu'on appelle en philosophie les rapports de domination et de contrôle. Ça a l'air en fait, la corruption. Mort, la corruption, quoi. En gros, la corruption. C'est kinky. Domination. Pas nécessairement. Non. Non, c'est pas très... leurs enquêtes sont pas nécessairement toujours... Les rapports sont vraiment pas drôles à lire. C'est généralement... En partant, complètement décourageant et deuxièmement, très, très technique. Mais c'est ça. Donc, il y a eu des pratiques de gestion pour le moins douteuses à l'UQTR sur une assez longue période de temps. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le ministre a fait « Non, ça, on tolérera pas ça dans notre réseau d'université. » La rectrice fout son camp. L'affaire, c'est que premièrement, c'était des affaires reliées aux finances, puis c'était pas nécessairement toutes des choses qui rentraient sous la responsabilité directe de la rectrice. C'est sûr que techniquement, dans une université, le recteur, c'est la tête dirigeante. Ouais. C'est le cerveau, c'est le coordonnateur. Hein? C'est sûr que c'est la première tête à tomber quand quelque chose qui marche pas bien. Mais néanmoins, c'est la période qui était visée par cette enquête-là, il y en avait à peu près la moitié qui touchait au règne de Mme Gazali. Donc, il y a au moins un autre recteur. Pourtant, lui, on l'a pas blâmé. On y a pas retiré sa retraite. On y a pas, tu sais, il y a non. pas eu de ça. Tu sais, non, c'est. Fait qu'elle a comme mangé le blâme pour ce qui avait été fait avant elle. C'est plate. À quel point est-ce qu'elle a pas juste comme continué des pratiques qui étaient pas correctes, mais qu'elle est rentrée. Puis on se rappelle, elle est rentrée en pleine grève de 2012. Là. Je veux dire, littéralement, elle est rentrée en poste la veille du vote de grève. Ah oui? La grève générale illimitée. Là. Pour moi, elle a pas eu à se payer un chemin à travers le monde. C'est, ouais, c'est ça. C'était un petit peu ça. Comme tel, ils ont pas fait gérer ça. Là. C'est les vice-recteurs qui étaient déjà en place depuis un certain temps qui ont comme géré ça un peu à sa place. Là. Juste, ils ont écrit un texte à lire devant les médias. C'est bien normal aussi. Là, elle arrivait, c'est ça. Laisse-la enlever son manteau. Elle avait fait sa carrière à l'Université Laval. Là. Elle connaissait pas la place, rien de ça. Donc, moi, ça me semble avoir été plus motivé par là. Ça paraissait pas bien. Puis on s'entend, ça faisait des années que dans le Nouvelliste, ça minimum une fois par semaine, quand c'était pas une fois par jour, il y avait un article dévastateur pour pour l'université dans le Nouvelliste, notre journal régional de Trois-Rivières. Ça faisait longtemps que sur toutes les tribunes, les gens réclamaient la tête de la rectrice parce que tout passait sur son dos. Là, j'en explique un peu plus là encore dans l'article. Mais je vais me répéter un peu quand même. C'est qu'il y a quand même eu, généralement, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas contents de ce qui se passait. Souvent, des gens qui ont perdu leur job, entre autres, qui se sont fait faire des grands, qui ont reçu des assez grandes pénalités dans leur job, qui sont allés sur la place publique, qui sont collés une entrevue avec le Nouvelliste et qui ont vidé leur sac là-dessus. Ça doit être facile à avoir parce que le Nouvelliste veut parler de ça le plus souvent possible. C'est ça. Sur le dos de la rectrice. C'est ça. Ben évidemment, c'était les gens pas contents. Puis du côté, c'est sûr que n'importe quel journaliste face à ça va appeler l'autre partie, va demander. La rectrice, le clan de la rectrice, si on peut dire, souvent disait, nous autres, on considère qu'il n'y a pas de problème. On a fait les pratiques de gestion qu'on pensait. Ou bien, on dit, en fait, cette histoire-là est devant les tribunaux, fait qu'on n'en parlera pas dans les médias. Souvent, c'est ça qui est arrivé. De mémoire, il y a eu un article qui a été commenté vraiment, littéralement, par la rectrice. Puis que là, c'était vraiment l'article, c'était à propos de elle, sa version des faits, qui était quelque chose d'assez modéré quand même, somme toute. Mais que, ça a passé un peu dans le beurre parce qu'il y en a eu des dizaines d'autres contre elle. Fait que la bataille de l'image, elle l'a perdue. Est-ce que sa démission était complètement arbitraire et non et aucunement méritée? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Il y a quand même eu des choses qui n'ont peut-être pas été faites régulièrement. Elle a quand même reçu un blâme de l'UPAC. Là. Je veux dire, quand même. Faut quand même pas limiter ça. Ce que je pense, c'est que ça a souvent été montré comme étant la clique de la rectrice, c'est les méchants, puis le reste de la gang, c'est les pauvres victimes. Moi, j'ai de la misère un peu avec cette vision-là des choses, surtout quand on sait que les pauvres victimes, c'est des hauts fonctionnaires qui sont tous retrouvés des jobs après, des trucs comme ça. Tu sais, c'est un peu dur de... Okay, regarde, là, on n'est pas exactement devant des réfugiés syriens, mettons. Là encore, il y a eu certaines affaires qui étaient. Il y a eu des questions de harcèlement psychologique, là, mais en tout cas, j'embarque pas là-dedans. Là. J'essaie juste de le souligner. En fait, j'essaie de montrer comment est-ce que c'est une histoire pas évidente, en fait. Peindre un portrait de ça. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'autres têtes qui ont tombé depuis. Est-ce que selon toi, d'ici quelques années, on pourrait en voir ou vraiment tout le blâme a été pris par la rectrice puis elle va le garder? Je pense que généralement, c'est un peu l'effet malheureusement positif, pragmatique, mettons, dans le sens que ça atteint le but que ça voulait atteindre, d'avoir un genre de bouc émissaire comme la rectrice. Là encore, le mot est peut-être fort d'utiliser bouc émissaire dans son cas. Mais le fait d'avoir un genre de bouc émissaire, si tu réussis à le sacrifier, généralement, après ça, ça apaise tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait que j'irais pas jusqu'à dire que c'est un signe que c'était une bonne chose de le faire, comme ça surtout. Comme je disais, c'est surtout le comment qui m'a dérangé là-dedans. Mais ça reste que, ça semble avoir calmé certaines choses. Puis moi, il y a une chose qui me restait dans la tête depuis un certain temps, c'est que dans le temps de la course au rectorat, je l'avais quand même assez suivi. J'étais allé les candidats avaient... C'était un peu comme une genre d'élection. Mm-hmm. Candidats avaient présenté leur projet. Ouais. D'aller au Vatican. La petite fumée a sorti pour déterminer le prochain rectorat. C'est quasiment ça, des bouts. Mais c'est ça. Entre autres, il avait fait une présentation. Puis c'est qu'il faut se rappeler aussi que Mme Ghazali se présentait contre... qui arrivait de l'Université Laval. Se présentait contre un monsieur de la place qui est le vice-recteur aux affaires pédagogiques, Sylvain Delisle. Puis dans le temps, les gens avaient voté pour Mme Ghazali. Okay. Puis moi, je pense que ça a peut-être créé des frictions parce que... C'est un peu un secret de Polichinelle. Il y a un peu une clique de l'UQTR, là, de, mm-hmm. de gens qui se connaissent. Puis que tu protèges les autres dans ta gang. C'est ça. C'est un peu une liste de Trois-Rivières. À peu près tout fonctionne comme ça. Là. Il y a des espèces de clans un peu. Je suis pas en train de prétendre que c'est la mafia puis tout. Là, mais il y a peut-être certains cercles sociaux qui ont tendance à être reliés à l'UQTR, entre autres. Puis je pense que M. Delisle faisait un peu partie de ça. Je pense que ça a déjà mal commencé, mettons, le mandat de la rectrice. Surtout que M. Delisle n'a pas nécessairement eu... Ben, on s'entend, c'était le monsieur de la place. Il a fait toute sa carrière à l'UQTR. Puis on a choisi une autre... Et il est parti, une personne de l'extérieur. Non, il n'est pas encore parti. Okay. Il est encore mais ici. Il a annoncé qu'il s'en irait, je pense, à l'hiver. Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est encore vrai. En fait, ça fait longtemps de ça, puis ça a un peu comme passé comme dans le beurre. Il ne se représentera pas pour la... Parce que là, j'imagine qu'il va y avoir une autre élection pour le prochain, parce que c'est un intérimaire. Ben oui, parce ça. Que là, c'est M. André Roy qui est là par intérim. Ça. La magnifique couverture de notre zone campus. Jaune. On peut finalement dire jaune campus cette année, mais c'est orange de toute façon. Mais orange, c'est jaune autobus, en tout cas. Mais non, c'est ça. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de... En gros, c'est peut-être ça que j'essaie de le plus souligner dans cette histoire-là, c'est que ça a été beaucoup une question de ça a été une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'on a essayé de montrer dans différents médias, principalement le Nouvelliste. Radio-Canada 3 heures en a repris un peu aussi, mais ont peut-être un petit peu plus pris leur distance, étant donné que c'est public, là, Radio-Canada, avec des fois. Puis je pense que aussi c'est ça. Il y a eu beaucoup une question d'image là-dedans, justement, à cause du fait que les médias se sont garochés là-dedans, puis ont peut-être été. Sans le vouloir, pris un peu un genre de parti. Et parlant d'image, une chose que je vais faire une petite pub pour ces fois en même temps. Ok, vas-y. Comme on le sait, il y a le show de la rentrée ce soir. Oui. Oui. C'est le fun d'y aller. Oui, oui, ce serait le fun si je travaillais pas ce soir, ouais. C'est, tu sais, le ben, tu connais probablement mieux les headlines que moi, j'imagine que vous en avez parlé, mais... On va en parler plus tard, ouais. Vous allez en parler plus tard, mais ça va être un moyen gros show, là. T'sais, c'est quand même assez big, là, je veux dire. L'Université Laval, qui a à peu près 4 fois le nombre d'étudiants du QTR, que leur asso étudiante a infiniment plus de moyens que l'OGE, puis que c'est fou réuni. Ils font des shows à peu près de cette envergure là, ouais. Ce qui est quand même, je pense qu'on peut être fiers de nous autres, premièrement. Puis je me dis, s'il y a une affaire que les nouveaux vont retenir de leur, les gens qui rentrent à l'UQTR cette année, donc c'est leur première session là, qui rentrent, puis que tu sais, pour leur donner une fierté de leur université, tu sais, puis de faire, tu sais, je suis content d'avoir été à l'UQTR. Mm-hmm. C'est assemblage requis. Mais assemblage requis aussi, mais tu sais. Mais le show de la rentrée, ouais. c'est ta première semaine, puis là, t'arrives, t'as un show de coriace avec le colocast, tu sais. Colin. Galaxy. T'sais, c'est hot, ouais, là. C'est... Galaxy, ouais. Oh, c'est Galaxy. Plus dans nos cœurs de nous autres. Ouais, ouais, vraiment. Mais ouais, c'est ça, tu sais. C'est quand même big, là. Puis ça fait que. Je pense que ça replace l'image à bonne place, selon toi. Ça replace l'image à bonne place. Puis ce que je me dis, c'est que ça replace l'image à bonne place pas mal plus que les petits fanions qu'ils ont mis sur les poteaux de lumière sur l'allée Gilles Boulet. J'ai le boulet, je m'appelle Jamie. Ah, les insignes. Espèces de, ouais, tu sais, comme quand ils ont refait le logo, là, pour que ça ait l'air d'une espèce de crèche de l'Université Laval. Là. Ouais. Oui. C'est un peu prétentieux, ça, je trouve. Puis les pancartes à l'entrée, puis tout ça, ça a coûté plusieurs centaines de mille piastres. Ah, pour vrai, arrête. Puis là, ce qu'ils nous disaient, c'était, ah, ben là, ça a le sentiment d'appartenance, on crée un nouveau branding pour l'université. Puis moi, je m'excuse, là, mais tu sais, c'est bien beau pour vendre du coke, changer le logo une fois de temps à autre, mais une université, c'est pas rien qu'un logo, puis c'est pas rien qu'un branding. C'est un milieu de vie avant tout. Puis, tu sais, la vie étudiante comme ça, là, les shows, puis tout ça, là, Colin, c'est ça qui a fait la vie étudiante, c'est ça qui fait que le milieu de vie est le fun. L'université de Sherbrooke, pourquoi est-ce qu'on est donc tous pâmés devant l'université de Sherbrooke quand on est à l'UQTR? C'est parce que l'université de Sherbrooke, eux autres, ils font ça. T'sais. Ils organisent un paquet d'affaires de vie étudiante. L'université, eux autres même, ils n'attendent pas après les assos. Ils backent les assos dans les affaires de vie étudiante. T'sais, c'est plus vivant. T'sais, tandis qu'ici, ben là, on nous fait mettre des fanions à la place. Puis on change un slogan qui est parfait pour un autre qui n'est pas très bon. Ouais, qui est souvent bien placé pour le savoir. C'était parfait. Savoir comprendre, c'est plate puis ça fait des jardins. Savoir surprendre. Savoir surprendre, ça j'ai dit. Savoir, point, surprendre. Ça fait des jardins. Ça fait corporatif. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. On dit à chaque fois qu'on parle de branding, mais bien placé pour le savoir. Revenez à ça, s'il vous plaît. Ouais. Puis moi, ce que en fait, ma petite conclusion là-dessus, c'était imaginez si, en plus de imaginez le show qu'on a là cette année, là, le show de la rentrée, rajouter à ça l'argent des pancartes puis des fanions. Wow! Ça en fait un show, là. Ouais. Ouais. Ça serait pas juste coriace, c'est un show-là en première partie des Foo Fighters. Hein. Un jour, peut-être. Avec grâce à ces fous qui organisent ça. Jean-Philippe Charbonneau qui va probablement passer devant le corridor et qu'on va attraper au collet pour pouvoir nous parler du show de ce soir. S'il court pas déjà partout sur le terrain. Moi, je l'ai vu aller vers son bureau tantôt. Fait que je l'ai texté. Il s'en vient sur moi. Oh! On va voir. Elle bosse en studio. Il peut pas se permettre ça. Une fois par année. Sébastien Viertin. C'est moi. On te retrouve la semaine prochaine, je peux le dire. Ben là, oui. Sans me tromper, comme à chaque chroniqueur au dessus. Je dis la semaine prochaine, puis non. T'sais. Mais toi, ça va être vraiment la semaine prochaine. Si tu trouves pas un nom de chronique, ça va continuer de s'appeler Bulletin Gardin. Ben, c'est correct, moi, j'ai pas ça. Moi, j'aime ça. L'année passée, t'appelais ça la chronique éditoriale. Ah, ça a pas duré longtemps. Moi, je trouve un nom qui rime en deux secondes. Non, en fait, t'avais trouvé. Ah, j'ai peut-être trouvé le tien. Au début, t'avais appelé ça la comment on avait dit ça? La chronique frivolité, je pense, une affaire comme c'est ça. C'est toi qui l'avais appelé, non? Non, moi, c'était la chronique dans le journal, c'était les frivolités d'une belle-mère. C'est ça. Puis là, c'est devenu la belle-mère. C'était la belle-mère de l'OGE. Ah, c'est compliqué, ton histoire. Ah, c'était effrayant. Moi, les titres, les noms. Moi, là, je suis un gars de branding. Okay. Ouais. Fait qu'il faut une chronique, OK, qui rime, OK, ou qui a une altération. Okay. Et voilà. Ouais, c'est ça. Mais Samuel, en terminant, laisse-moi salut, te demander... Sébastien, est-ce que Sébastien, wow. Oui. Samuel, oui. Non, Sébastien. Est-ce que tu crois que l'image de l'université a tant souffert ou, justement, là, on est à une bonne place? Tu parlais de lien d'appartenance, chaud de la rentrée. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec ça? Ben, premièrement, l'image de l'UQTR a jamais été... Tu sais, le rebranding, mm-hmm. C'était avant tous ces problèmes-là. Puis c'était parce qu'il y avait déjà un problème d'image avec l'université. Ouais. Tu sais, on était un peu comme le Cégep +++. Ouais. C'était pas très... c'était pas très prestigieux, mettons. En même temps, moi, je trouve qu'une UQ, c'est pas supposé d'être prestigieux, là, en tout cas. Ça, c'est toute une autre discussion sur laquelle je vais probablement revenir dans l'année parce que c'est un de mes sujets de radotage préférés. Non, c'est ça. L'image, ça a tout un été. C'est une université de région que, tu sais, bon, c'est brun, c'est un peu. Tu sais, les locaux sont comme propres, drabes, tout drabes. Je pense qu'il y a quand même des efforts faits dans ce sens-là. Je pense que le branding, l'intention derrière est pas mauvaise. Je pense que c'était juste... Personnellement, je trouve que c'était mal choisi. C'était mal fait. Mais tu sais, pavillon de la vie étudiante, bon, là, je vais me dire, c'est très, très beaucoup les efforts de l'OGE, mais quand même, l'université a fini par embarquer dedans. Puis on fait de quoi de bien avec ça. Je pense que, bon, c'est sûr que l'image a été affectée, mais tu sais, on s'entend qu'il est rendu au 21e siècle, l'attention span des gens, de toute façon, n'est pas très long. Fait que dans 6 mois, le monde s'en rappellera plus. Ouais. Ça a eu lieu. Je pense qu'en fait, le monde s'en rappelle déjà plus tellement des drames à l'UQTR. Il y a peut-être juste une espèce de hein, ça va pas super bien, l'UQTR qui flotte, puis ils vont juste avoir à faire un gros bon coup, puis le monde s'en rappellera plus. On va mettre notre équipe de hockey là-dessus, puis nos équipes sportives, puis ils vont remettre notre image à bonne place. Ah oui, hein? Et voilà. Si tu le dis. Donc, Sébastien Viertin, à la semaine prochaine, c'est les mercredis à 8h juste. Yep. Pour une autre chronique du Bulletin Viertin. Bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, voilà. Bip, bip. Mais il n'y aura pas de bip, bip, bip, dans ton intro. Ton intro est bonne. Ouais. C'est nouveau, ça? Bien, ouais. C'est du Black Keys, ouais. On aime ça, les Black Keys. On aime ça, en effet. Donc, au retour, on aura notre ami Frédéric Bernard qui va être de retour pour une nouvelle saison avec une nouvelle chronique, un nouveau titre et un nouveau contenu. Ça s'appelle Google Globe dans quelques instants. Et ça, ben, Colin, c'est un assemblage requis, bien placé pour se divertir le matin. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. FM. Toujours à Assemblage requis en ce mercredi 9 septembre 2015. Elle est Tania Baudin. Oui, bon matin. Et moi, c'est Mathieu Plante. Dans quelques minutes, Frédéric Bernard et Google Globe. Mais avant ça, j'avais envie d'écouter une pièce du palmarès francophone. Une fois par demi-heure, une petite chanson, ça se prend bien le matin comme ça. On s'en va entendre une nouvelle entrée des Connards à l'orange, Tania. Les Connards à l'orange. Les Connards à l'orange. Voici l'autobus. Puis la façon dont tu fais. est slack. Fait que je me penche pour voir du liquoir. La réponse arrive comme une claque. Un écrivain reste dans le temps me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ fait que je m'imagine plein de belles affaires. Si t'en vas travailler au carrefour de l'escroc, je sais j'ai vu la carte de punch dans ton cou. Fait que tu fais travailler ton cœur pis ton cerveau avant de passer 8 heures à vendre la merde au fou. Je sens que ton pavé des frères Karamazov prend plus que la moitié de la place dans ta sacoche. Ça en laisse pas gros pour les cochonneries, c'est le fun. Peux-tu avoir de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans le temps me dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ fait que je m'imagine plein de belles affaires. J'ai les justes mes châtiments. J'suis un peu gêné de t'aborder. T'as dit ce livre-là est excellent. Utilisé pour te parler. J'te regarde du coin l'œil et puis j'gosse sur mon iPod. J'écoute les marmottes pis d'autres musiques plus à mode. On m'arrête en même place, on va chercher des cordes. J'te regarde disparaître au milieu de la horde. L'écrivain reste dans le torrent. M'a dit que t'as un petit quelque chose. Le vieux barbu triste qui croyait au Christ fait que j'imagine plein. C'était Les Connards à l'Orange, une nouvelle pièce du palmarès francophone. L'autobus, l'album s'appelle Bave de robot. C'est particulier, tout ça. Ça fait varier un peu comme style. Donc, vous êtes toujours à Assemblage Requis. C'est l'émission matinale en pièces détachées. Et l'année passée, on avait Frédéric Bernard et on est content de pouvoir dire qu'il est de retour avec nous. Voici Google Globe. Bonjour à toi. Ben, bon matin, Mathieu. Bon retour parmi nous. Je te présente Tania. Salut. Bon matin. Enchanté. Je réalise que t'es le troisième chroniqueur. J'ai pas encore présenté Tania à personne. Parce que je suis pas bon en présentation. Non, on fait hors onde. C'est ça. C'est correct, ça. C'est correct. Moi, j'ai fait mon devoir. J'ai été voir la présentation que t'avais mise sur, sur Internet, sur Facebook. Fait que je m'attendais à toi, voilà. Enchanté. Au moins. C'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. C'est moi qui connais pas les chroniqueurs, au fait. Donc, Frédéric, tu nous présentes une nouvelle chronique cette année, Google Globe. Oui, parce que les séries télé, ils en font plus. Fait c'est fini, ça. C'est plus la mode. On pense non, mais en fait, c'est ça, j'avais les séries télé, j'en avais encore que je pouvais parler, mais j'ai eu cette idée-là et, qui m'allumait, puis je l'ai testée, puis mon Dieu. Sur? Oui, sur quoi? C'est sur quoi? Sur des petites souris, non? Tu l'as testé sur qui? Oui, souris. C'est ça, j'avais des rats que je faisais ma chronique aux rats. Fait que, puis ça marchait bien, je réagissais bien. Au rat du fait feu, que, comme général. Il allait vers le petit fromage, vers la trappe. Donc, dans le fond, je sais pas si tu l'as déjà un peu expliqué qu'est-ce que c'est. Je crois que tu as fait un court résumé de qu'est-ce que c'est. Concrètement, c'est très très simple comme concept. C'est que Google Globe, en fait, c'est que depuis longtemps, on est habitué de chercher des questions, des réponses à toutes sortes de questions. Et différemment des années, on a toujours eu nos références. Si on remonte à très loin, ça a été nos ancêtres. Ensuite, ça a été l'Église. Ensuite, on s'est retrouvé plus, bon, avec la haute société où répondait aux questions que le peuple avait. Mais un historien pourra me dire si je me trompe. Je crois que c'est la première fois qu'on a vraiment un moteur qui permet de répondre à toutes les questions sans tabou. Alors c'est pas Bing, c'est sûr que c'est pas Bing. C'est ça, c'est pas Bing. C'est pas Yahoo, des fois, ils censurent des trucs aussi. Mais vraiment, on pose n'importe quelle question, il nous fournit toutes les réponses. Les gens vont vers Google pour poser leurs questions. Les gens, ça n'a plus rien. Tout ça. C'est comme on sait pas calculer parce qu'on est des calculatrices, puis on sait plus penser parce qu'on a Google. Oui, ben c'est sûr qu'il y a un côté où on est un petit peu plus large maintenant. Maintenant, vu qu'on a cette encyclopédie incroyable au bout des doigts, moi, je me suis C'est intéressant de poser des questions à Google et de voir qu'est-ce qui en sort, mais moi, je me suis posé comme question, qu'est-ce qui ressort si on pose des questions qui sont absurdes, dont on sait que les réponses n'existent pas concrètement. Alors, on sait, ben, je dis ça comme ça, mais si ça se trouve, il y a une réponse qui existe, puis on va la trouver ensemble. Comme tu l'as dit tantôt dans le Guide Galactique, c'était la réponse de la vie était 42. C'est ça. C'est un excellent exemple. C'est ça, exactement. On a une réponse. Satisfaisante ou pas, vous en jugez par vous-même. Donc, mais on a une question qui est à la base, quand on l'analyse, un peu absurde quand elle est posée à un moteur de recherche qui est en fait un robot qui fonctionne par des algorithmes et tout ça. Donc, je pose des questions un peu absurdes dans ce sens-là. Je ne donnerai pas d'autres exemples parce que je trouve que l'exemple fonctionne très bien. Puis je garde la surprise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas présenter Google avant de commencer la chronique. Alors, Google, ça vient d'où? Parce que j'avais déjà une idée de la question que j'allais y poser à Google. Finalement, ma question, je l'ai remis à la deuxième chronique, puis je me suis dit, ben, pourquoi pas demander directement à Google qui est? Fait que j'ai demandé à Google qui est Google. Qui est Google? Ah, mais c'est génial. C'est simple, ben oui. Alors, j'ai tapé ça dans le moteur de recherche. J'ai tapé qui est Google. Alors, moi, je vais parcourir les différentes pages de recherche dans Google. Je vais vraiment m'en tenir au début. Je vais pas plus élaborer en profondeur sur les sites Internet parce qu'à un moment donné, je finirai plus. Ouais, c'est ça. Je vais vraiment aller sur les premiers, qu'est-ce qu'on m'offre en premier et tout. Puis je vais me rendre jusqu'à la page 50 et je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut retrouver à la page la plus loin possible. Alors, Le dernier résultat, qu'est-ce qu'on peut trouver qui sort des premiers résultats qu'on a? Est-ce que c'est souvent le plus insignifiant? Probablement, le moins important. Nécessairement. Surprenamment, quand j'arrivais à la dernière page pour cette question-là, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient répétées. Okay. Alors, beaucoup d'informations que je trouvais, je vous dirais, peut-être pas au début, mais au milieu, qui se répétaient. Mais oui, il y a des choses que plus rapport. On n'est plus du tout avec le sujet principal. Parce qu'on se souvient que sur Google, quand tu es vraiment premier, c'est que tu as fait vraiment beaucoup de publicité pour être... Oui. Au top de Google, mettons, mais ça veut pas dire que tes réponses sont bonnes. C'est ça, ça veut pas dire qu'on va tomber directement sur la réponse qu'on veut parce que, comme on l'a dit, ça fonctionne avec un algorithme. Mais il y a beaucoup de sites qui proposent à des gens qui partent leur site Internet comment comment monter dans les recherches Google, les trucs pour arriver premier dans les recherches Google quand les gens tapent certains mots-clés. Comme moi, on va y aller, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Je veux dire de quoi, mais j'ai failli me brûler un punch. Fait que donc, partons avec ça. C'est une bonne description de chronique. Ben oui, c'est assez partons clair. À l'aventure. Bon, partons à l'aventure, comme j'aimais bien le voir. Je me sentais vraiment comme un aventurier là-dedans. Un Indiana Jones. Ah. Exactement. Ça doit peut-être être ça, la musique de la prochaine fois. Ah, peut-être. J'hésitais avec ça. Je trouvais que c'était peut-être trop... Donc, dans les premiers 5 pages, alors, j'ai tapé qui est Google. Dans les premiers 5 pages, alors, dans cette tranche-là, les premières choses qu'on trouve, bien sûr, c'est des résultats Wikipédia. Mm-hmm. Alors, je pense que ça ne surprend pas vraiment. Je pense qu'on va le retrouver beaucoup, Wikipédia, dans cette chronique-là. Alors, on apprend que Google s'est fondé en 98 en Californie par Larry Page et Sergey Brin. Voilà, j'étais pas sûr de la prononciation. Bien sûr, dans la Silicon Valley, alors où il y a plein de programmes, plein de nouveaux joueurs de ce milieu-là qui apparaissent. On découvre que Google, c'est une filiale de YouTube. On connaît tous YouTube. Mm-hmm. Okay. Nestlab. Oui, Nestlab, mais en fait, le contraire que Google a comme filiale, YouTube et Nestlab, c'est leur propriété, non pas YouTube est propriétaire de Google. Non, c'est Google, Nestlab, DoubleClick, FitBurner. Tu connais tout ça, Mathieu? Oui, FeedBurner, c'est un truc de RSS pour la syndication du contenu sur Internet. Oh, voyons, t'es donc bien fou. Moi, je savais même pas ça. Je sais tout. C'est ce qui fait que les feeds de nouvelles fonctionnent. Tu sais, mettons sur un petit logiciel de lecteur de nouvelles, c'est ce qui fait que tu peux puiser. FeedBurner est un service. Ben oui, j'ai tout fait une recherche, moi, parce que je savais pas c'était quoi, puis finalement, j'ai abandonné. Pas de problème. Mathieu est là. Ben oui, je fais plus ça, je vais tout le temps me pied sur Mathieu. Eh ben. Dans les premiers résultats, on découvre que Google a supprimé un résultat de recherche qui, quand on allait sur Google, si on tapait « Qui contrôle Hollywood? Okay. » Google répondait « Les Juifs ». Ce qui répète une question pour toi dans un futur segment Google Globe, qui contrôle Hollywood? Oui, c'est ça, qui contrôle Hollywood? Ben, j'aurais eu ça comme réponse. Réponse, était à la première. Comme le film avec... Exactement. Donc, on aurait eu les Juifs. Donc, Google a supprimé ça. Il y a eu différentes plaintes, justement. Beaucoup de gens... Bon, OK, c'est drôle, mais en même temps, beaucoup de gens l'ont trouvé moins drôle. Ouais. Donc, ça part, bon, tous ceux qui sont fans des complots et de tout ça, ben, c'est parti là-dessus. Google, et j'ai vu que Google était fort, ses complots. Pour ses, ouais. Beaucoup de sites de complots. Ouais, hein? C'est américain, hein? Alors, ouais. Oui, c'est ça. Donc, Google a supprimé ça, fait que si vous le tapez, vous ne le verrez plus. Mais si vous n'étiez pas au courant comme moi, ben, et voilà, je suis là pour ça. Google. Chacun son utilité. Oui, c'est ça. J'essaie de me justifier tout le temps. T'sais, on essaie de justifier une existence tout le temps. On découvre 13 qualités que Google recherche chez des candidats en entretien d'embauche. Ah, alors, comme dans le film avec Owen Wilson. The internship. Oui. Fait que dans le fond, ce site-là qui était le journal du net.com. C'est sûr que je veux juste préciser que moi, il repère que je suis à Trois-Rivières, que j'utilise mon moteur en français, donc c'est sûr qu'il me donne des résultats en français. Fait que j'aurais pas de résultats américains. Il y a moins de contenu en tant que tel en français qu'en anglais. Fait que tu vas pas avoir des affaires aussi intéressantes souvent en français, je trouve. Sur Google. Bon, c'est sûr. Ça dépend des gens. Ben, gueule, le français. Si on avait posé la question à Google en anglais, on n'aurait pas les mêmes résultats. Certainement pas. Je pourrais le tester à un moment donné. Ça pourrait être intéressant de le tester, voir la question différemment quand que ça ne sera pas aussi gros. Parce que disons, une chronique spéciale là-dessus. Loin. Ouais. Ouais, une chronique spéciale en anglais, la différence. Anglais, mais français. Donc, le journal du net nous proposait les 13 qualités. C'est un peu étrange parce que je sais pas, je vais parler ici de mythes, mais ça semble être confirmé. Il y a des témoignages, tout. C'est un peu bizarre cette affaire-là. À ce qui paraît, si on tape certains mots-clés dans Google, par exemple des mots pour apprendre le langage binaire ou des mots très précis sur le langage binaire ou de ce milieu-là, Google nous repère et nous envoie une petite fenêtre pour nous dire « Voulez-vous passer un test? » Exactement, devient employé pour nous. Il y a même une formule, c'est super, super nerdy, là, vraiment incroyablement. Puis oui, c'est confirmé, ça existe. C'est ça, j'étais pas sûr parce que ça se contredisait dans mes recherches, j'étais pas sûr, j'ai pas été plus loin là-dedans. J'ai vraiment, comme je dis, j'ai été en superficie. Puis vraiment, j'ai vu un gars qui faisait une interview, mais un témoignage qui disait que lui-même était aux États-Unis, c'est un informaticien, il étudiait, il tapait différents mots-clés pour son cours. Puis il y a eu une petite fenêtre qui était marquée « Êtes-vous prêt pour un test? » Il a cliqué dessus, il a passé le test, puis ensuite Google lui a envoyé un message pour savoir s'il voulait être embauché. Il a dit « Fuck son cours! » l'université. Et voilà, il disait justement que tout de suite après son cours, il y avait une job garantie chez Google. Il était rentré de cette façon-là. T'es bien placé, mettons, rendu chez Google. Ouais. La vie va bien. Ils sont pas en train de virer babin du monde, je pense, chez Google. Non. C'est pas Microsoft, mettons. Il y en a plusieurs, là, justement. Fait que sur ce site-là, ils montrent ces 13 qualités-là que Google recherche dans leurs entrevues d'embauche. Alors, ces méthodes-là pour être embauché par Google. Je trouvais ça drôle. Oui. Ben oui. Ça, c'est sympathique. Mathieu. Je viens de le voir, là. C'est tellement moi, vas-y. Oui, Mathieu, quand t'as la grosse grippe, t'as une fièvre, qu'est-ce que tu fais? Admettons que t'as un bouton étrange de couleur fluo, qu'est-ce que tu fais en premier? Mettons que tu t'es fait... Mettons que tu t'es fait faire un test sanguin puis t'as un air qui flébite depuis une semaine à peu près puis que ça le fait encore aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Google pour voir si c'est normal que ça fasse une semaine que t'as un air qui te flébite dans le bras. Là. Exactement. Alors, il faut croire que Mathieu est pas tout seul. Alors, selon l'Ouest-France.fr, Google est le meilleur ami des hypochondriacs puis selon beaucoup d'autres site aussi. Quoi ne pas faire dans la vie, ça? C'est pas avoir peur du lupus, du cancer. Alors, les hypochondriacs n'auraient pas tendance à aller voir les médecins plus ou à congestionner nos hôpitaux, sans doute, oui, un peu. Mais en premier, leur premier réflexe, c'est d'aller dans Google. Mais je pense qu'on l'a tous déjà fait. Tous. Alors, pour une question de tente pas d'aller en même temps, ça ne tente pas nécessairement tout le temps d'aller chez le médecin. Ouais. Alors, passer une journée là. Oui, c'est ça. Puis les résultats que Google peut nous offrir, ma blonde, pour l'avoir testé dernièrement, avait une question suite à une visite chez le médecin. Elle a tapé ça dans Google, puis elle m'a sorti un paquet de listes. Alors, ça allait du cancer aux problèmes plus extraterrestres. Alors, c'est un peu... Selon Google, tu peux mourir pas mal souvent. Oui, oui. Selon Google, si tu manges une tomate et que tu fais mal après, tu peux en mourir. Et voilà. On salue ta copine ou plutôt ton ex-copine Feu Annabelle. C'est ça. Mon ex, c'est non, mais. Ah non, mais oui, si c'est ça, ok. Hey, je pensais que tu m'annonçais de quoi? J'étais là, c'était hey, sur elle écoute Facebook. En ce moment. Non, j'ai tapé sur Google, est-ce que Frédéric Bernard a une copine? Oui, c'est ça. Eh, non, du lupus. Voilà. C'est ce que je te dis. À la suite de recherches sur Google. Oui, suite à l'ingestion d'une tomate. Alors. Suite à ça, on est toujours dans les 5 premières pages. Alors, on finit, c'est dans les, dans les dernières recherches que j'ai eues. Alors, selon l'éco-jonction, Google est très vert. Alors, c'est, Google est très, très écologique. Alors, est à côté de lui Apple et Facebook de mémoire. Je dis bien de mémoire, si je me souviens bien. Apple était plus vert. Alors, Apple avait vraiment la cote la plus haute côté écologie. Et les mauvais petits canards étaient HP, eBay et Amazon. Est-ce que ça étonne quelqu'un? T'as pas faim, non? Pas vraiment. Fait que c'est ça, alors, au niveau de l'écologie, alors, bon, tout ça. eBay, ça me surprend, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de... C'est juste des pubs avec les gens, c'est des clients particuliers, souvent. Ben, j'imagine qu'ils doivent prendre en compte le fait que, vu qu'ils vendent certains produits, alors ça doit être livré dans des boîtes de carton. Peut-être, je sais pas, théorie, du complot. Oui, c'est ça, je vais être théoricien maintenant. On est maintenant dans les pages 5 à 10. Alors, je vous avertis là, pour qu'on me suive. Là. On est toujours dans la chronique Google Globe où on parle. On a demandé à Google la question « Qui est Google? » Oui, « Qui est Google? » On est toujours en train de rechercher cette réponse-là à « Qui est Google? » Alors, on a déjà plusieurs recherches intéressantes, je trouve. Mais t'as toujours pas eu la réponse. Non, j'ai toujours pas eu la réponse en tant que tel. Je l'ai toujours pas eu. Puis la prochaine, je l'ai toujours pas eu. Alors, on apprend dans les 5 à 10 pages que les 6 pays européens... 6 pays européens qui s'attaquent à Google. Alors, tout simplement parce que Google n'a pas de critères, n'a pas une limite pour garder les données qu'il prend, qu'il collecte sur les gens qui font des recherches là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'aussitôt que vous faites une recherche dans Google, ça s'en va dans une banque de données. Alors, Google est vraiment capable de retracer toutes les recherches que vous avez faites. Ouais. Alors, même si vous supprimez votre historique, il est capable de dire, bon, vous avez tout fait ça. J'imagine que s'ils ont un mandat, ils peuvent donner les informations à ceux qui les demandent. Exactement. Ben, si à chaque jour, tu vas voir comment faire une bombe sur c'est Google. Ouais. C'est un peu le principe de pourquoi, justement, ils sont capables de cibler certaines personnes qui sont peut-être plus en lien avec des régimes comme le I ou des régimes extrémistes. C'est parce qu'ils ont tapé des mots-clés dans Google qui envoient une alerte. Allez à la bibliothèque à la place. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon. Et pour vous servir de meilleure pub aussi, il faut dire que Google est là pour vous vendre de meilleure pub aussi. En haut de la page. Oui, exactement. Puis vous proposez aussi, c'est que moi, toutes les recherches que je vais faire, si vous faites cette recherche-là, que vous tapez la même question, vous allez sans doute avoir dans les premières pages les mêmes réponses à cause de l'algorithme. Mais plus vous allez avancer, plus les réponses vont être différentes parce qu'ils vont prendre en compte les précédentes recherches que vous avez faites. Donc, c'est vraiment égoïste, en fond, ce que je fais, parce que c'est des recherches par rapport à moi et par rapport à mes précédentes recherches. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas nécessairement tout le temps des résultats de recherche qui sont flatteurs envers Google. Moi, je me serais attendu à ce que Google un petit peu biaise les résultats en donnant seulement des trucs qui sont les propriétés de Google. Tu sais, on donne YouTube, on donne ça, on donne ça. Mais finalement, t'avais des affaires sur les Juifs, t'avais des affaires avec des pays qui s'attaquent à eux. Donc, c'est pas. Je pense qu'ils suivent le même filtre que tout le monde, on dirait. Parce qu'ils mais il le fait en français. Si on le faisait en anglais, peut-être ça serait différent. Bonne question. Peut-être. C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Je pourrais le tester puis vous revenir avec ça. Je pourrais le tester en anglais puis vite. Dernière chronique de la session. Dernière. Tu tous tes sujets en anglais. C'est sûr. Ça serait malade. Un gros rallye, là. Google Jump. Google Jump. Tu connais Google Jump? Ben oui, mais c'est pas juste les réponses, toi. Il y a un peu ça. Tania, connais-tu Google Jump? Je ne connais. Google Jump, c'est la caméra que Google se sert pour faire Google Street View. Okay. Alors, pour photographier en 360. Combien tu paierais pour cette caméra-là? Mon Dieu. C'est quand même assez gros comme caméra. Ah oui, c'est une grosse caméra. Comme, c'est ça. J'imagine que ça vaut autour de 15 000 $. As-tu vu le texte? Ben, je sais pas. Non, OK. Ça vaut ça? Bon. Ça vaut 15 000 $. Non, en fait, c'est 14 999. T'as dépassé à Price is Right, t'es out. C'est vrai? Celui qui a misé 1 $, gang. Donc, c'est 15 000 $ pour se procurer cette petite caméra-là. J'ai un peu déçu. Non, c'est fantastique. Ça vient en ensemble avec toutes les caméras individuellement. Oui. C'est des GoPro avec un puis avec les capteurs, tout, parce que c'est une alliance GoPro-Google, cette caméra-là. Peut-être qu'ils vont le faire avec des drones maintenant. S'ils pouvaient voler, j'avoue. Ben, je pense que ça existe. Ah ouais, je vais faire une recherche, ça. Mais je pense que ça existe. Ben, c'est pas exactement la même technologie, mais je pense que ça existe des drones qui photographient vraiment en 360 ou qui filment un peu tout en 360. Mais ce que j'aime de Jump, ce que j'aime vraiment beaucoup de Jump, j'ai vu la démo, c'est dans un garage où la luminosité est différente à certains endroits. Okay. Et puis ça prend vraiment avec les je sais pas si c'est 15, c'est combien de caméras? 15? T'as le lien. Une quinzaine, ouais, c'est ça, j'avoue. Il me semble que c'est une quinzaine, mais bref, peu importe. Et ça prend des photos et ça les colle ensemble, les stitch ensemble, et ça fait un truc de luminosité pour tout venir ajuster et comme mettre au même niveau. 16 capteurs, je l'avais dit dès le départ, c'était 16 capteurs. Capteurs pour 15 000 $ fait que c'est juste un petit peu plus que 1000 piastres. Je m'attendais vraiment à pire. Personnellement, je m'attendais vraiment à pire quand j'ai vu le combien ça devait coûter. C'est pour utilisation professionnelle. On s'entend que c'est pas tout le monde qui va acheter ça. Oui, mais c'est pour une entreprise ou une grosse compagnie de production à se ruine, tu sais, américaine, disons, ça se ruine vraiment pas à acheter ça. En plus, c'est pour la vidéo ainsi que la photo. Donc, tu peux prendre la vidéo en temps réel et ça fait le stitchage et le tempérage de la luminosité en temps réel. C'est débile. Mon Dieu. Allons tous nous en acheter une. Un petit run, on est toujours dans les 5 à 10. Je vois qu'il me reste 10 minutes. Toi, trop de contenu, impossible. Trop de contenu. Non, c'est ça. Je dépasse jamais d'habitude. Là, tu vas me faire mentir. Où étiez-vous hier? Google est capable de vous le dire. Ça fait un peu peur. Fait que Google appose votre géolocalisation de votre cellulaire. Alors, Sur Android. Oui. Ben, en fait, aussitôt que vous avez une application Google, alors que ce soit Google Chrome, Google Plus, Google, un système de géolocalisation est capable de vous géolocaliser un peu partout, aussitôt que vous atteignez un Wi-Fi. C'est effrayant. Donc, il y a un journaliste qui faisait le test et qui marquait que lui, par exemple, au début il y a 2 mois, ben, il pouvait voir tout le chemin qu'il avait fait cette journée-là. Alors, c'est un peu effrayant. Un autre fait intéressant dans le même domaine, si vous voulez vraiment, mettons que vous avez fait une recherche sur votre ordinateur personnel il y a plusieurs mois, vous pouvez aller sur google.com/history et classer par jour et par mois et retourner dans vos recherches il y a des années. Mais il faut être connecté à votre compte Google. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est aussi c'était peurant parce que même si tu effaces l'historique de ton furteur Internet, l'historique de Google reste là. Mais oui, comme on disait tantôt, leur banque de données reste là. Puis c'est pour ça qu'il y a une grosse polémique autour de ça. Il n'y a pas de laps de temps pour éliminer ça. Fait en Europe, ça fait un petit clash au niveau politique. Il y a des règles. Le monde se demande est-ce que c'est bien éthique tout ça. L'autre, j'ai failli trouver la réponse. C'était un article fabuleux qui explique qu'est-ce que Google. On n'était pas loin. Ouais. Et quand on clique dessus, t'as-tu cliqué dessus, Mathieu? Je suis en train là. Ça va apparaître et tu vas avoir la réponse. Sur l'endomag. Oui. C'est du codage avec des symboles. C'est des n'importe valises, quoi. Des X. Non. Alors, le site, c'est vraiment c'est des petits, je trouvais ça juste drôle. Du charabia. Je pourrais vous le mettre en lien dans sa blanche roquille si vous voulez voir. C'est qu'est-ce que Google, c'est digne de la réponse à la vie. C'est vrai que si t'es capable de déchiffrer ça. T'as une job chez Google. Oui, c'est t'as ça. T'as une job chez Google. OK, on vient de partir quelque chose. Allez-y, je vais le mettre en lien. Tous les informaticiens vont s'essayer. Et voilà. UTorrent, connaissez-vous UTorrent? Non. Oui. UTorrent, c'est... Je suis pas très techno, hein? Comment ça se fait que j'ai toutes les réponses? Ah. C'est une application, c'est un logiciel de téléchargement de différents fichiers, qu'ils soient illégaux ou non. Parce que oui, c'est tu bien peux de aller dire. Chercher des fichiers qui ne sont pas illégaux là-dedans. On l'oublie Linux. Souvent. Linux, oui. Donc, UTorrent est vraiment l'application qui regroupe différents sites UTorrent qui, eux, sont très libres de mettre les fichiers qu'ils veulent sur leur site. Alors, on pourrait mettre des photos libres de téléchargement de droit et les faire télécharger par UTorrent. Et tu peux aussi avoir des séries télé, des films, de la musique. Exactement. Comme tu peux avoir tout le contraire et être pas correct aux yeux de la loi. Ouais, UTorrent a été blacklisté par Google et 8 autres antivirus à cause que UTorrent, quand tu installes l'application, installe différents petits logiciels. Des barres d'outils. Est-ce qu'ils ont des barres d'outils, différents trucs de même. Alors, pour les moins avertis qui ne lisent pas justement les contrôles et qui ne décochent pas les choses, ils se retrouvent avec un beau PC UTorrent qui ralentit. C'est assez incroyable pour l'avoir ça déjà testé. Faites attention. Même en installant votre antivirus AVG, il y a des trucs à pas cocher là-dedans. Qui de l'artiste ou de Google mérite les fruits de son travail? Tania, je te pose la question. Oh my God, qui de l'artiste ou de Google mérite les fruits de son action? Je dirais l'artiste pour ce qu'il fait, Google pour le... L'exposure, le montrer en public. Je lance la question, je vous laisse là-dessus. Tu réponds pas. C'est un des articles que tu as choisi. Qui posait la question et que vous irez le lire. C'est intéressant. On va mettre ça sur assemblagerequis.com. Oui, les liens. On va trouver une façon de mettre les liens pour qu'on s'y retrouve. Quant, connaissez-vous Quant? C'est un logiciel français. Non? Qui, ouais, là, je vais un petit peu plus vite des réponses. Quant, c'est un logiciel français qui fait exactement la même chose que Google, alors qu'il propose, qui est un moteur de recherche sur lequel j'ai navigué, qui est plutôt intéressant, pour être honnête. C'est que lui, il propose toutes les recherches, alors que ce soit vidéo, sur du Twitter, sur du Facebook, sur des sites Internet, tout ça, il vous le propose sur une seule page. Ah. Alors, au lieu d'aller sur différentes pages, lui, il te le propose d'un coup sur une seule page et c'est différentes colonnes. Alors, tu as une colonne vidéo, une colonne Internet, une colonne Twitter. Ça paraît un peu bordélique la première fois qu'on y va, mais c'est pas si pire. Puis c'est plutôt intéressant. Je vais peut-être y retourner. Alors, Quant, ça s'écrit Q-W-A-N-T. Intéressant. Oui. Ouais, et faut savoir qu'ils ont poursuivi Google parce que Google a changé leur logo suite à Quant et que leur logo ressemble étrangement. Oh, misère. Alors, vous savez, quand on est sur Facebook puis qu'on a la petite affaire, cette femme a trouvé quelque chose d'incroyable, kiké pour voir qu'est-ce qu'elle a trouvé, ou ouais. Ce mari a fait quelque chose d'extraordinaire. Clickbait. Oui, c'est ça. J'ai trouvé le premier dans Google. Alors, c'était marqué, ce petit garçon a vu quelque chose qui l'a fait pleurer sur Street View. Ah, je déteste ça. Alors, évidemment, comme n'importe quel humain, j'ai cliqué dessus. C'était l'histoire d'un petit garçon qui, en fait, sa grand-mère était morte dernièrement. Et le petit garçon et son frère étaient sur Street View et ont vu une photo de leur grand-mère sur Street View. Et il n'y avait pas de photo récente de leur grand-mère. Alors, sur l'émotion, ils ont pleuré parce que ça leur donnait une photo récente. Oh. J'ai trouvé ça quétaine. Et voilà, c'est dit. Honnêtement, tu sais, il a le droit d'avoir des émotions, mais cet enfant-là. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça quétaine. Moi, je suis content que t'aies sauté par-dessus Kim Kardashian. Non, j'y arrive. Si tu les as pas fait dans l'ordre, alors, c'est ça. Ben oui, Kim Kardashian est la réponse à 40. Qui est raison. Là, maintenant, je suis de 30 à 40 dans mes pages de recherche. Alors, Kim Kardashian qui est détrônée par Taylor Swift, on va passer plus vite là-dessus. Alors, ça fait un peu le buzz pour ceux qui suivent ça. Cat Street View. Cat Stevens? Cat Street View. Cat Stevens, Cat Street View. Okay, okay. C'est une application qui te propose de visiter le Japon dans la peau d'un chat. Ah, oh, génial! Ah oh, oui, ils ont une GoPro collée au cou, hein, ceux-là. Tu connais pas Uterine, puis tu connais Cat Street View. On voit ses intérêts. Ben voyons donc. Non, mais j'ai vu une vidéo sur Facebook. Le gars avait accroché une GoPro au cou de son chat, puis il a vu son chat se battre, il a vu son chat manger une Tania, des chats puis des chats. Des chats. C'est Tania Baudin. Pis, j'aime même pas les chats, peux-tu croire? Je t'aime pas les chats? Je te déteste. T'as marre de mon studio. Qui aime pas les... Je suis allergique aux chats. Moi aussi, je suis allergique aux chats, c'est pas une raison. On crée des chicanes. Mais Cat Street View, on devrait aller voir ça. Cat Street View, ça, quand j'ai été, parce que j'étais vraiment curieux, Cat Street View, j'étais rendu dans les 30 à 40. Fait que j'ai gardé le jail, là, j'avais hâte de finir. Là. il prend vraiment du temps pour nous. Là, ouais. C'est pas qu'on prend ça à cœur. Oui, je professionnalise. Maintenant, j'étais dans les pages 40 à 50. Alors, on a vraiment fait un bond. Là, on y va parce qu'il y a beaucoup de recherches qui reviennent. Selon John McAfee, il ne faut pas utiliser Google. Alors, John McAfee, c'est celui qui... L'antivirus de marde de McAfee. Ouais. Là. Exactement. C'est celui qui a programmé ça. Alors, c'est lui qui a créé ça. Lui, il ne faut pas utiliser Google, selon lui. Il est connu pour ça, toutes ces polémiques à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il va faire une interview. Il crée tout le temps un peu le buzz. J'ai trouvé un site Internet dans lequel il était écrit « Qui est Google? » Okay. C'est tout? C'est tout. Oh, wow. Ça répondait pas à la question. J'ai cliqué dessus et ça disait un moteur de recherche révolutionnaire. Voilà. Voilà. On va quand même continuer, même si on a la réponse. Ouais, c'est un peu ça. On va continuer pareil. Pour la chance. C'est pas pour ça. On veut pas vraiment de réponse, dans le fond. un blogueur qui est condamné à cause qu'il a trouvé des documents sur Google, je trouvais l'information un peu intéressante. Ça revient au fait que notre vie privée... Mais c'est... Non, c'est faux. C'est pas notre vie privée. C'est que le blogueur s'est promené sur Google, a fait un peu comme moi, a tapé des recherches et est tombé sur un site Internet qui ne protégeait pas ses données. Alors, c'est une entreprise qui protégeait pas ses fichiers et il a téléchargé pour plus... Je pense que tu peux me confirmer. Je pense que c'est une 200 quelques, 260 ou... Non, peut-être plus. J'y arrive. De fichiers qu'il a téléchargés sur ce site-là, sur cette entreprise-là. Il a été poursuivi comme quoi qu'il n'avait pas le droit de télécharger ces fichiers-là, mais lui de répliquer. Mais 8000 c'était... documents internes. Ah, c'est un petit peu plus, hein? un petit peu plus. Je savais qu'il y en avait beaucoup. Donc, il a vraiment tout téléchargé ça. Il faut savoir que c'est un journaliste. Il a publié ça. Il l'a utilisé pour des articles. Ce qu'il avait le droit, ce qu'il n'avait pas le droit. En même temps, ce n'était pas protégé par d'un mot de passe. Lui, il proclame que c'était un peu libre de droit vu que c'était pas protégé. Le site Internet, ben, l'entreprise, bon, essaie de faire valoir son point de vue aussi. Le débat est lancé. Je pense qu'il a été condamné de toute façon. Il a déjà. Amende. Ouais, il y a une amende, puis il a été considéré coupable. Ouais. Mais je pense que les débats restent tels que tels. Donc, c'était vraiment, oui, 40 à 50. Donc, ma dernière page, moi, mon but était de me rendre à la page 100. Oui. Il n'y en avait pas. La page 100, il n'y en avait pas. Fait que le plus loin que je me rendais, moi, au moment où j'ai tapé ça, ça peut changer. Ça a changé quasiment à la minute près. Moi, au moment où je l'ai fait, je me suis rendu jusqu'à 76. Ah. Alors, la page 76, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est que le mobile Huawei, fait qu'on demandait justement si c'était tout le temps en lien. Ce qu'on peut trouver dans les dernières pages, ben jugez par vous-même. Le mobile Huawei Xiaomi. Xiaomi, c'est, je pense, une marque de téléphone cellulaire chinoise, je crois. Ouais, puis Lenovo. Lenovo, ça, c'est des portables. Je me rappelle pas si c'est asiatique, je crois aussi. Ils font pas des TV, eux autres? Je pense pas, non. Ah. Il y a des noms qui se ressemblent. Ça me dit rien, mais ouais, en tout cas, on cherche pas. Mais bref, tous ces portables-là, toutes ces joyeuses compagnies-là auraient des malwares préinstallés dessus quand on l'achète. Oui. Ah. J'ai entendu parler de Lenovo récemment qui avait ça. Les autres, je ne savais pas, mais quand même. Intéressant, ça. Puis là, vous allez me demander c'est quoi le lien avec qui est Google? Ouais. Il n'y en a pas. Il y a même le mot Google, je pense qu'il est juste en lien en bas. C'est du référentiel. C'est tout. C'est juste du référentiel. Ouais. Donc, vraiment, c'est. Alors, c'était les recherches, qu'est-ce que ça donnait pour la question qui est Google? Faites un melting pot avec ça. Répondez à. Faites-vous une réponse. Ils devraient faire un film qui est Google comme ils ont fait un film avec Facebook. Oui, à la place de The Social mais Network. Mais peut-être que l'histoire est moins intéressante. Non, mais The Search Engine. Ouais, c'est ouais, pas de pire, ça. Mon Dieu. Tu devrais les contacter. J'ai plein de bonnes idées. Les contacts en plus, mon sel. Mais je suis sûr que ça serait full intéressant. C'est sûr. C'est parti dans la Silicon Valley. Toutes les histoires de la Silicon Valley sont intéressantes. C'est tout intéressant. Comme The Social Network, tu rends ça, tu romances ça un petit peu, tu rajoutes de l'intrigue amoureuse. Il y avait pas grande intrigue amoureuse. Sergey Brin. Avec des toilettes. Larry Page et Sergey Brin. Et voilà. Ah, wow. T'as rempli ta demi-heure, Frédéric Bernard, exactement. Je sais. Hey, j'ai runné un petit peu à la fin. J'ai su un petit peu. Oh, mais t'as bien fait ça. Ouais, mais t'as bien fait ça. C'est excellent. Google Globe, on va faire ça chaque semaine en posant une question à l'engin de recherche The Search Engine Google. Ça va vraiment être des questions. En fait, là, je l'ai pas. Ben oui, je l'ai fait un peu. Ça va être une question qui part de la vie de tous les jours. Alors, de la vie de tous les jours, je me suis posé une question à un moment donné et je me suis dit, ah, ça serait drôle de le mettre dans le moteur de recherche et de voir qu'est-ce qui ressort. Donc, c'est pas nécessairement tout en lien avec Google. Cherchez pas de lien entre les questions. Les questions ont juste pour lien l'histoire que je vais compter au début de chaque chronique. Pourquoi une table s'appelle une table? On devrait demander à Google. Pourquoi? Exactement. Donc, Google Globe et la semaine prochaine, le Bing Bingo. Exact. Ah, voilà. Personne. On remplit nos cartes. Comment gagner au bingo? Voilà. Ça. Merci Frédéric Bernard. C'est un plaisir. On te retrouve la semaine prochaine et mercredi à 9h. Dans quelques instants, je l'ai vu passer vers son... c'est moi quoi? C'est 8h30. 8h30, je n'osais pas le dire. On va le dire comme faut. À 8h30. À 8h30. Dans quelques instants, je l'ai vu passer vers son bureau tantôt. C'était Jean-Philippe Charbonneau qui, espérons-le, va pouvoir venir nous parler du spectacle de ce soir. Mais avant ça, une petite pause à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis en ce mercredi matin, 9 septembre. L'émission passe très, très vite. On a beaucoup de chroniqueurs aujourd'hui. Ouais. Ça s'enfile à une vitesse folle. Et je sais qu'on veut parler du spectacle de la rentrée. Donc, je me demande si on aura le temps de passer à ta chronique tantôt aussi, Tania. Mais sinon, on le fera demain. On a tout le temps devant nous. J'avais un plan par rapport à ça, autant qu'il nous reste devant nous. Je t'en reparlerai plus tard. C'est bon. On se garde-tu une petite gêne, un petit secret? J'aimerais ça partir nouvelle mode plus tard à l'émission. On fait ça. Mais pour l'instant, en anglais, du côté du palmarès anglophone, on s'en va entendre une pièce de l'album Poison Season par Destroyer. Voici l'extrait qui s'appelle Dream Lover. Ça se passe maintenant. Assemblage Requis. Idea of fun. You and me, the bars. Destroyer et la pièce Dream Lover sur l'album Poison Season. C'est une nouvelle entrée en 20e place des palmarès anglophones. Vous êtes toujours à Assemblage Requis et on reçoit avec Tania et moi ici. Oui, en studio avec nous. Oui. Jean-Philippe Charbonneau. Oui, bon matin. Bon matin à toi, directeur général de CIFU 89 FM, Zone Campus, GME QTR. Un retour à l'émission du matin. C'est ça. Ancien co-animateur de l'émission Assemblage Requis. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, peut-être depuis la dernière soirée cachée ou autre spectacle. Oui, ou peut-être un mini passage à un palmarès là, que je souhaite. Oh, 10 ans qu'on animait durant la dernière session. À chaque semaine, c'était genre, et Jean-Philippe Charbonneau est absent cette semaine. Mais bref, t'es là aujourd'hui pour nous parler du spectacle de la rentrée parce que nous sommes le mercredi 09 sept. Oui, exactement, 09 sept. Mais on peut voir sur l'affiche. Donc, septembre, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ah, okay, c'est pour septembre. Okay. Et puis 09, c'est parce qu'il y avait pas, il fallait deux chiffres. Ouais, c'est ça, 09. C'était plus beau. C'est parfait, ça, c'est sinon, si tu le regardes en bas, tu penses que c'est 60. Parce que l'année passée, il y a des gens qui ont écrit des 1, des 2 à côté, puis là, des 3, puis là, tout le monde s'était là. Ça n'existe pas, un 39 septembre. C'est belle. Un 39 sept. Sept. Ben ouais, c'est pas ça. Mais non, c'est pour aujourd'hui, 9 septembre. On a une belle programmation là, qui s'en vient dehors, à l'extérieur. On annonce un petit peu de pluie en après-midi, ça va être parfait. Il va faire super beau ce soir. Tu vois ça comme une bonne chose, toi, de la pluie? Ben oui. Ah, moi, il peut pleuvoir jusqu'à 18h. J'ai aucun problème avec ça, du moment qu'il fait beau pour les gens qui vont être là à partir de 18h. Puisque les portes ouvrent à 18h pour rentrer sur le site. Il y a un petit choc de micro dans la main, ça va te donner un petit buzz pour le reste de la journée. Mais j'ai pas de choc encore. Pas encore? Pas trop choc. Mais qui mouille. Oui. Donc, à partir de 18h, on va commencer avec Galaxy qui va ouvrir le bal à 19h. Wow. Galaxy qui ont été sur les plaines d'Abraham en première partie de Oui, tout à fait, oui, je suis d'accord. Oui, écoute, c'est une vision, je pense qu'elle chantait. J'ai comme juste ACDC dans la tête, mais ce n'était pas ACDC. Donc, c'est ça. Écoute, pendant qu'on fait des recherches ici, que tout le monde cherche comme des fous. Les Rolling Stones! Oui, voilà. C'est ça, Mathieu. Pourquoi j'ai oublié ça? Maître du Google. Oui, donc les Rolling Stones qui étaient là sur les plaines d'Abraham cet été. Donc, je pense que c'est un très, très bon spectacle, très rock, là, qui va commencer le bal à 19h. Donc, ça va être assez hard et fort. Ça va être très bon. Et puis, après ça, c'est un super beau spectacle qui a été créé pour les Francofolies, qu'on va avoir la chance d'avoir ici, pas dans la version pareille là, des Franco. Ouais. Sauf quand même un spectacle avec beaucoup, une belle brochette d'invités. Donc, ça va être Corias qui va faire, il va interpréter ses hits de son dernier album. Et puis, on va avoir Karim Ouellet qui va venir faire des prestations avec lui, Lord Larry Hedges et Mr. Valère. Mr. Valère, les vents qui vont rester, donc la trompette qui va rester tout le long du spectacle là, pour donner un petit plus-value au spectacle de Corias qui est habitué de faire en band. Lord Larry Hedges, c'était l'année passée qui était aussi au show de la rentrée. Oui, ils sont déjà venus au Dôme, durant le mois de mars. Donc, le Dôme, c'est fou. Donc, là, ils sont là pour accompagner Corias. Donc, c'est pas des prestations complètes, mais ils vont faire des performances là, quand même de leur album, plus des performances là, avec Corias. Donc, il y a un beau mix là, qui va se créer ici, une belle chimie. D'après moi, ça va être pas mal sur le party comme ouais, spectacle. Ça avait été un grand succès dans le Dôme, en tout cas. Oui, ça avait été sold out. Là, donc, on s'attend à avoir beaucoup de monde. Et puis, on finit la soirée avec Loco Locas, quand même, qui a fait, je pense, qui a roulé sa bosse, là, comme on peut dire. Ouais, un petit groupe, là. Ouais, c'est son, je sais pas indépendant. Si ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une présentation? Donc, avec Biz, qui a étudié ici à l'UQTR en plus, là, donc un petit retour sur sa terre natale d'accueil d'études. Son alma mater. Oui, exactement. Donc, une belle brochette de trois artistes plus invités là, qu'on va avoir. On devrait finir ça autour de minuit. C'est gratuit pour les étudiants de l'UQTR, donc ça prend vraiment une carte étudiante valide. Donc, si vous ne l'avez pas fait faire puis vous êtes en première année, puis vous êtes en première année de l'université, ben bienvenue. Puis, il faut aller faire votre carte. Allez faire votre carte, là. Oui, là. Parce que sinon, il va falloir payer à l'entrée. Il n'y aura aucun passe-droit là, sur la carte étudiante. Et sinon, jusqu'à 18h, vous avez la chance de vous procurer des billets en pré-vente. 10$ pour les diplômés de l'UQTR. Donc, peu importe l'année, jusque depuis sa fondation, nous avons les registres pour vérifier. Et 30$ si vous êtes de la population normale, là, la plèbe. Voilà. Vous êtes hors UQTR, donc on vous invite, vous êtes les bienvenus. On rit, là, mais vous êtes vraiment les bienvenus sur le site au coût de 30$ pour quand même voir une belle brochette. Ça revient à 10$ par spectacle, donc ouais. C'est pas énorme. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. vaut la peine. Et parlant de brochettes, en fait, parlant absolument pas de brochettes, parce que je sais pas s'ils sortent des brochettes, mais il n'y a pas juste de la musique ce soir, il y a non, le traiteur. Ben oui, on vous offre la gamme de services complets. Là, on veut vous garder sur le site tout le long. Vous avez des toilettes. Ah, yeah! C'est pas beau, ça. Les services du Bob Traiteur qui vont être là avec leur food truck. Donc, de la poutine General Tao, des frites avec des échalotes, des burgers au pulled pork. Bon, Matt, on soupe si fuck les aigles. Remplace-moi pour les aigles, oui. S'il te plaît. Ah, faut que je sois en studio toute la soirée, moi. Écoute, les aigles peut-être feront un carnage et une game qui peut peut-être aller très, très vite. Tu vas avoir le temps. On est là jusqu'à minuit pour le food truck, donc il sera pas trop tard. Okay. Donc, vraiment un petit coin aménagé là, cette année pour manger sur place à des prix tout à fait raisonnables. Là, donc, voilà. Et puis, pour vous désaltérer, on va avoir de la bonne 50 de la batte avec de la bod pour les traditionnels. Oui. Donc, au coût de 2,50 pour le 14 onces. Donc, ça aussi, là, on a vraiment fait en sorte que ça vous coûte pas trop cher cette soirée. Donc, si vous êtes étudiant, puis sinon, c'est 30 $ là, comme je le disais, pour rentrer. Quelle excellente initiative. Beau show de la rentrée. Sur place, on va avoir beaucoup de choses aussi. Là, j'ai pas dit, mais on va avoir aussi des tirages Vidéotron Mobile, là, qui est notre partenaire de scène nouvellement arrivé cette année. Donc, qui va pouvoir faire tirer un cellulaire. Il va avoir un GIF boot. Oui, donc, un genre de générateur de GIF sur place là, que vous allez pouvoir prendre une fois que vous aurez consommé toute cette bière. Plus de nombreux prix de présence. Là, on parle de 4 prix de 250 $ cash qui vont être tirés. Vous avez juste à vous présenter, vous enregistrer. C'est super facile. Après ça, on vend vos données. Non, on fait très attention. Là, donc, il n'y a aucun risque sur les données. Oui, ton sarcasme. Oui, c'est ça. Comment ça va être interprété? Ça va faire un beau montage. Ça va faire un beau GIF animé avec toi qui s'écrit en dessous, genre, on garde vos données. Oui, exactement. Ah, ben, donc, voilà un super beau spectacle qui va avoir lieu aujourd'hui. Donc, on vous invite, on vous attend. Le soleil va être au rendez-vous ce soir. Là, on est très confiants. À quelle heure encore les portes? 18 h les portes, 19 h début du spectacle. On attend pas loin de 4000 personnes ce soir. Là, donc, on vous dit d'arriver tôt, apporter de l'argent comptant. Il y a des machines distributrices d'argent. Mais apportez, si vous voulez éviter les line-up, là, c'est argent comptant seulement sur le site. Superbe! Jean-Philippe Charbonneau, directeur général de ces Fous Zones Campus. Oui, Mathieu. Merci de m'avoir reçu. Très bonne idée. Je retourne sur mon site, mais... Il court partout aujourd'hui. Vraiment au collège. Au bon moment, c'était le meilleur moment pour moi de venir ici. Donc, ça me faisait plaisir aussi de venir vous jaser ce matin. Merci, Jean-Philippe. Bonne journée. On va écouter trois des artistes qui vont être présents. En fait, les trois headliners sans écouter les... comment t'appelles ça? Les featuring. Ouais. Donc, on va commencer avec Zulu de Galaxy. Tout de suite. Là, ici. Puis après ça, ce sera Corias et Locolocas. Vous êtes à Sondage Requis jusqu'à 9h30. We'll be right back. l'Atlantique. On veut le bonheur à la puissance 10. Après l'hiver viendra le printemps. Les petits échecs, des gloires immenses. L'éternité ça dure un instant. Parce qu'on est seulement s'entrechoquent en une mâle émulation et bravant l'île le vent de la meute, nos bramements nomment le monde. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tous émétissés, refus de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée, comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit le fil de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de pas qui nous éreinte depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leurs thèses de fous, ils nous ont dit: taisez-vous, vous êtes comme taisés sans sa ficelle, perdu, déboussolé, vous n'êtes pas vous, vous êtes nous, vous êtes dissous, vous ne valez pas dissous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consume. Faux, nous venons d'avant, nous sommes antérieurs. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais quatre saisons, acclimatées au climat et faisant fi du primat, nous avons parcouru par ces artères tout un continent titan. Notre espèce s'aspire à l'espace et son empreinte est partout. Tapis dans la toponymie, gravée dans arraché par l'oche cosmogonie à l'agonie dans le tombe fantôme d'une mémoire moisie. Sur nos épaules, on porte pourtant le pack-sack de pensées épatantes. Mais allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? Allons-nous mourir en main quand nous sommes des géants? Si t'on venu au nouveau monde, on a tenté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. Un pignard, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'autre. Car nous avons la tête à Papineau, la longue langue l'orchestre d'Acosta, le cœur corsaire de d'Iberville, qui envoie en nos veines le pur sang mêlée, mêlée de Riel et des Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la Vérendrye, les jarrets de Joliette. Plus de souffle que moi, ce gars-là, en tout cas. Mais, hein? C'est bien! Je suis d'accord avec toi. Manque de respect. Le Colocasse avec les géants. C'était précédé de Supernova par Corias. On a débuté avec Zulu de Galaxy. C'est un petit bloc en hommage au spectacle de ce soir qui a lieu, bien sûr, sur le campus de l'UQTR. On parle du spectacle hashtag Rentrée UQTR 2015 avec Galaxy, Corias et ses invités, ainsi que Le Colocasse. Ça va être évidemment super génial. Comme à chaque année, les gens attendent que ça, en fait, depuis l'année passée. Fait que c'est une nouvelle tradition, si on veut. Comme on le rappelle, les billets sont en vente en ce moment sur lepointdevente.com. C'est au coût de 10$ pour les diplômés de l'UQTR, 30$ pour les autres, et c'est gratuit, bien sûr, pour les étudiants et les membres du personnel de l'UQTR avec votre carte valide obligatoire. C'est ce soir, mercredi 7/09. À 19h, les portes ouvrent à 18h. On remercie nos chroniqueurs d'aujourd'hui. On a eu Sébastien Viertin avec sa chronique Lutin Gartin. On a aussi eu Frédéric Bernard et Google Globe. On remercie Jean-Philippe Charbonneau, directeur général de C'est Fou et Zone Campus. Merci à toi, Tania. Je m'excuse d'avoir pris la première demi-heure. Je savais pas qu'on aurait autant de chroniqueurs que ça. Ben voyons, il n'y a aucun problème. On en parlera demain. C'est ça. Puis mes idées de titres restent encore. Et demain, je te donnerai ma liste de titres potentiels pour ta chronique. Puis peut-être qu'un t'intéressera. Excellent. Donc demain, on va parler des gens inspirants de ce monde à mes yeux. Ah, une femme qui a besoin d'inspiration, de mentor. Et voilà. C'est toi, ça. Plus tard sur nos ondes, manquez pas Dîner de con, évidemment, avec Danny Janvier, ça commence à 11h. Ensuite de ça, la prochaine émission, c'est Audiomatique à 17h. Non, en fait, je m'excuse, oui, il y a Audiomatique aujourd'hui, mais plus tard, en journée, c'est un des matchs des séries éliminatoires des Aigles. Donc, ça a lieu à partir de 18h50. C'est moi qui s'occupe de la technique, donc je vais être de retour avec vous sans vraiment vous parler. Mais je vais être là de vive présence. Pas de voix. Hein? Les Aigles, tr.com pour savoir plus de renseignements sur les équipes et tout ça et le classement des choses. C'est fou.ca pour la programmation complète. Évidemment, sans le baseball, c'est la prochaine programmation quand le baseball sera terminé. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et balado-diffusion. On a mis quelques liens sur Facebook pendant l'émission d'aujourd'hui. À Facebook. Ben oui, faut nous suivre. Aimez la page. Ouais. Twitter. Snapchat Face. Splash Face. On a ça? Snap Duck Face. Snapchat? On a Snap Duck Face. Ah, OK. Et un chat Instant MySpace. Ah, c'est bon. Et un Friendster dans mon Underground. Ah, oui, oui, oui. Et un USB sur mon computer. Et voilà. On a tout ça. Merci, Tania Baudin. Merci, Mathieu Plante. Et fin. Et ça fait bien plaisir. Puis il nous reste à peu près 30 secondes. Ouais, c'est on ça. On dit à peu près n'importe quoi. Et de toute façon, on va se voir dès demain matin. À 6h30. 6h30. En fake. 7h30 en vrai. Et voilà. Fait que, puis c'est ça. Puis on se voit sur Duck Face. Puis là, c'est le temps d'aller chercher le café. Oui, café. Puis un costaud à café. Oh oui. Bye.